Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand nous résumera les dernières semaines d'activité à la GEQTR cette année et on aura un satané appétit dans une grosse boîte en dresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis. On est quoi, jeudi 20 avril, oui, 2017. On est à 7 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou. Je sais pas si tu l'avais dit. Non, à Trois-Rivières. Okay. Oui, exactement. Tu viens d'avouer, tu m'écoutes pas. Oui, c'est ça. J'ai dit sur la page du décompte jusqu'au 28 avril, qui est la fin de la session. Oui. Et je remarque que ça dit 7 jours, 16 heures, 25 minutes, 20 secondes. Ça, c'est pour tous ceux qui ont fait le 24 heures d'études. Ouais. Lâchez pas. Faut savoir les minutes. Exactement. Donc, 7 jours et demi environ, là, un petit peu plus que ça. Pour tous ceux qui carburent au Red Bull, au café, puis toutes ces autres substances qui... Mountain Dew Kickstart. Mountain Dew Kickstart. Au raisin. Mm. C'est une boisson énergisante? Oui, mais Mountain Dew. Ah, OK, je savais pas. Ouais, ils font ça, c'est super bon. À l'orange, je vais voir. Bref, hey, est-ce que t'avais les yeux assez ouverts en conduisant ce matin pour remarquer les nouvelles pancartes qui indiquent les pavillons sur le campus de l'UQTR? Ah, mais non, voyons, j'ai même pas vu ça. Oui, tu sais, là, il avait ajouté des nouvelles en métal et en béton, le genre 3-4 ans. Exactement. Ben, tu sais, tant qu'à faire, achetons-en des nouvelles. Ben oui, je pensais pas être rendu maître de l'art de dépenser de l'argent, même si je suis endetté. Non, l'université te clenche. Mais finalement, c'est ça, correct. Je me sens moins mal. Exactement. Il venait juste des choses. Mais bon. Des choses qui arrivent. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Ils sont quand même belles, leur pancarte de FSS. OK. Ouais, donc, aujourd'hui à l'émission, Tania, on a Alex Marchand de la GEQTR, peut-être qu'il va pouvoir nous expliquer d'où vient cette décision, peut-être qu'il est au courant, tu sais, il est haut placé dans peut-être la Peut-être. Donc ça va être à 8h. Ensuite, on va faire une grosse pointe d'adresse, comme toujours en fin d'émission le jeudi. J'ai entendu dire que cette semaine, tu nous as trouvé un produit. Oui. J'ai très hâte de voir ça. J'espère sérieusement que personne n'y a encore trouvé. Il a encore goûté. Uh-huh. C'est inscrit nouveau dessus, fait que j'imagine que non. Ils ont tendance à faire ça pendant plusieurs années, mais bon. C'est on ça, va ça franchir un peu des fois. Je vais te le dire si j'ai goûté. OK. Et aussi... Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Ah, oh! Ben si on a parlé que j'ai pas dit que j'avais déjà goûté, peut-être que c'est un signe. C'est ça. J'ai jamais goûté. Mais je voulais pas te le dire, fait. C'est ça. Bref, belle émission aujourd'hui qu'on va avoir ensemble. Ouais. Jusqu'à 9h30, avant de commencer avec ta chronique, Tania, est-ce que la Tania, pour commencer un petit avant-goût de ce qui s'en vient tout à l'heure? On va parler de sport un petit peu. Oh! Vous allez voir de quoi on va parler exactement aujourd'hui. On va essayer de démystifier une coupe d'affaires. Cool! Mais avant ça, voici Calypso Valois avec Le Jour. Assemblage requis! Au 89 FM! We'll be right back. Calypso Valois avec le jour. Ah, ça commence bien la journée avec le grand soleil qui fait de la lumière sur le podcast. On adore ça. Hein? Hier, il a mouillé vraiment beaucoup oui, en soirée. Absolument. Là, ça s'est comme tamisé un petit peu. Puis le soleil est là aujourd'hui. Ça s'est tamisé. On se croirait chez Pacini. Oui, exactement. On a tamisé la pluie un petit peu. Tu sais, les effets. Là, c'est le soleil. Wow. Avec les petits oiseaux. Hey, une chance que tu parles pas de météo dans ta chronique. Une chance, hein, parce que. Voici Talia is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain ya. Tam, tam, tam, tam. Comment va notre petite élève de collège de radio, là? elle va bien, ça merci. Va, ouais. On parle de sport aujourd'hui. Oui, exactement. Parce que, bon, certaines personnes le savent, certaines personnes pratiquent ce sport-là. Et aujourd'hui, on va parler du CrossFit. Oh. Mais en fait, on va parler du sport, bien évidemment, en tant que tel. Mais surtout, 14 choses dont il faut savoir avant de se lancer dans le CrossFit. Okay. J'ai eu la discussion avec un de nos collègues, qui est David Ferron. Qui fait du CrossFit depuis toujours. Parce que ceux qui font du CrossFit en parlent souvent. Oui, exact. Non, mais on m'a suggéré que je serais le genre de fille à pouvoir faire du CrossFit parce que j'aime m'entraîner. Ça fait des années que j'aime m'entraîner. J'ai fait plusieurs sortes de différents sports. Donc, ça vient rejoindre un petit peu l'idée même que qu'est-ce que le CrossFit? Parce que pour ceux qui ne le savent pas... Ça vient de Pâques, ça vient de Jésus. CrossFit, Jésus était très en forme c'est parce qu'il était sur sa croix. Il CrossFit. Était sur sa croix. C'est ce que j'en comprends, là. C'est ça, ça allait étirer les bons muscles. La traduction, moi, ça. Pareil. Mais en fait, c'est une méthode de conditionnement physique qui va venir vraiment rejoindre plusieurs entraînements qui vont être croisés. C'est pourquoi on dit le CrossFit. Et le CrossFit, bien, principalement, ça va combiner, par exemple, la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Donc, on ne parle pas nécessairement beaucoup de cardio, mais ça se voit de plus en plus qu'on y ajoute ça au CrossFit. C'est comme un pentathlon olympique, mais... Mais pas vraiment. Ouais. Un peu. OK. Ouais. Donc, les pratiquants, en fait, de CrossFit, ils peuvent courir, ils peuvent ramer, ils peuvent grimper à la corde, sauter, déplacer des objets. Bien souvent, ça va se voir en CrossFit. On va pratiquer des mouvements qui vont être olympiques d'haltérophilie. On va faire aussi des exercices au poids du corps, comme utiliser des haltères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des sacs et tout autre objet qui peuvent servir pour cet entraînement qui va être à type croisé. Là. Des chats. Pardon? Tu peux faire des chats? Oui. C'est ce que j'ai pour ma physio, je te l'ai dit. Oui, lever des chats. Ouais. C'est ça, t'as dit? Pour mon bras cassé, ouais. Oui. Tu lèves ton chat avec ton bras? Ben oui. Ah, OK. Ça te fait pas mal? Un peu. OK, bon, c'est ça. donc, on. Parce qu'elle me griffe le bras parce qu'elle aime pas ça. C'est ça, exactement. Donc, on essaie principalement, lorsqu'on fait du CrossFit, de se axer sur des compétences athlétiques. Donc, par exemple, l'endurance cardiovasculaire et respiratoire, bien évidemment. On va aussi parler d'endurance musculaire, la force, la souplesse, la puissance. On va aussi parler d'agilité et de vitesse. On va parler d'équilibre, de précision. Donc, tout ça, ça vient vraiment ensemble. C'est un entraînement qui est extrêmement complet. Et il y a certaines choses qu'il faut comprendre avant de commencer à faire du CrossFit. Que t'aimes ou que t'aimes pas ça, bien, il y a plusieurs stéréotypes de gens qui font du CrossFit. Et c'est sûrement la méthode de conditionnement de physique la plus critiquée présentement. Peu importe où tu vas, il va y avoir quelqu'un qui fait du CrossFit ou qui a déjà fait du CrossFit. Et automatiquement, il va y avoir aussi une autre personne dans la salle qui va détester les gens qui font du CrossFit sans nécessairement trop savoir pourquoi elle déteste les gens qui font du CrossFit. Peut-être parce qu'elle, elle a déjà essayé puis ça n'a pas fonctionné. Ou parce qu'il en parle vraiment beaucoup. Mais... C'est un peu les vegans du sport. Bien, un petit peu parce que les gens qui font du CrossFit sont un petit peu reconnus aussi pour prôner leur méthode d'entraînement. C'est et c'est un petit peu ce qui fâche certaines autres personnes. C'est qu'on en entend tellement parler qu'on se ramasse avec une écœurantite aiguë. Voilà. Juste du mot CrossFit, t'es carré d'entendre. C'est vrai. Ouais. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est qu'on n'a pas besoin d'être déjà en shape pour se lancer dans l'entraînement croisé. Parce que quand on regarde les athlètes de CrossFit, leur shape, leurs vidéos, puis tout ça, des fois, ça semble assez intimidant. Merci. Tu te dis, oh my God, je suis pas rendu là, mais pas pantoute. Je peux pas m'y mettre. Je peux pas commencer à faire ça. Bien, tu veux surtout pas être la personne molle et pas en shape là, qui va arriver et qui va être rien capable de faire, surtout devant des gens qui sont. assez en forme, merci, qui font du CrossFit depuis des années. Donc, la vérité, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'être déjà en forme pour commencer ce sport-là. Il y a des versions qui sont quand même beaucoup plus faciles pour chaque élément et surtout, on t'encourage à commencer par la base. C'est ça qui est le plus important. C'est que si tu te lances dans un entraînement de CrossFit avec quelqu'un que ça fait déjà 6 ans qu'il en fait, mais c'est sûr que sa base, ça fait 6 ans qu'il l'a fait ou qu'elle l'a fait. Donc, ça ne sera pas nécessairement la même que toi. Exactement. Il n'y a pas personne qui va te demander de prendre des poids qui vont être trop lourds. Il n'y a pas personne non plus qui va se moquer de toi si jamais tu arrives là et tu commences à faire du CrossFit. Au contraire, c'est une communauté et c'est là que ça nous amène. C'est que le deuxième point, c'est justement parlant de communauté, tu vas te faire une espèce de nouvelle petite famille alentour du CrossFit. Parce que la plupart des athlètes de ce sport-là s'entraînent beaucoup, s'entraînent à des heures qui vont être régulières la plupart du temps. Les gens qui vont pratiquer le CrossFit vont, par exemple, tout le temps y aller les matins à, je sais pas moi, 7h30. Donc, ça va tout le temps être les mêmes visages qui vont revenir. Donc, tu te crées cette espèce de petite famille-là autour de toi et tu te ramasses à toujours voir le même monde et devenir ami assez rapidement parce que parfois, tu vas te donner des trucs ou encore, tu vas tout simplement t'entraîner à deux parce que c'est beaucoup plus le fun à certains moments de pouvoir s'entraîner à deux. Et tes coachs vont aussi rapidement te connaître. Ils vont savoir tes forces, ils vont savoir tes faiblesses. Donc, on va venir te conseiller, on va venir te guider par rapport à tout ça. Donc, tu ne seras pas tout seul dans ça. Par la suite, tu vas apprendre une toute nouvelle langue. Qu'est-ce que tu veux dire quand on dit toute nouvelle langue? Bien, c'est qu'à ton premier cours, il y a peut-être des expressions que tu vas entendre un petit peu partout, que tu vas faire « Hey boy! » De quoi qu'on parle ici, tu vas avoir les yeux probablement gros comme des 2$ parce que tu comprendras pas qu'est-ce que le coach est en train de dire. Par exemple, des WOD, des IMOM, des AMRAP, tout ça va devenir naturel de manière beaucoup plus rapide que tu le penses, malgré le fait que tu vas être à ton premier cours simplement. Et quand tu vas y retourner, ben déjà en partant, tu vas savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Après tes premiers cours, tu vas être hacké pendant longtemps. Non. Quand on dit longtemps, on dit vraiment très longtemps. On dit, par exemple, 2 semaines. Oui. Tu vas probablement te faire des ampoules aux mains aussi, au point où tu vas en pleurer. Donc, ça va passer rapidement. Il faut que vous fassiez confiance dans ce genre de sport-là parce que les gens qui pratiquent ce sport disent que, bien évidemment, ça vaut la peine, comme n'importe quelle personne qui va pratiquer n'importe quel sport. Mais c'est sûr que c'est un entraînement croisé. Donc, automatiquement, si tu travailles tout les endroits de ton corps, tous les endroits de ton corps vont être hackés demain matin. Ouais. Donc, c'est normal que pendant un petit temps, tu te dises que tu découvres certains muscles que tu croyais qui n'existaient pas du tout dans ton corps. C'est que, justement, l'entraînement croisé va venir faire en sorte que tu vas modifier certaines parties de ton corps qui, en temps habituel, peut-être t'aurais pas pensé à travailler ça en entraînement normal. Mmh. Mais comme on a parlé avec, je me rappelle plus c'était qui, avec Justine, je crois qu'on a parlé de changer le mal de place. Mmh. Donc, peut-être que ça va enlever ton mal de tête et tes crampes à l'estomac. Je sais pas. Exactement. Parce que tu vas avoir mal partout ailleurs. Ou parce que tu vas avoir tout simplement fait de l'activité physique. C'est ça, ouais. Ça se peut aussi que tu vas avoir de la difficulté à effectuer certains mouvements pendant une longue période, par exemple 6 mois. Parce que c'est le temps qu'on donne en temps habituel à quelqu'un qui se lance dans le sport qu'est le CrossFit pour bien apprivoiser tout ce qu'il y a autour de ces nouveaux mouvements-là. Donc c'est difficile et les mouvements sont parfois extrêmement complexes, mais c'est totalement normal pour quelqu'un de nouveau d'arriver dans un entraînement de CrossFit puis de rusher justement sur certains éléments après 6 mois d'entraînement. C'est vraiment à l'endurance, puis à se forcer à y retourner, à se forcer à les faire comme il faut, qu'on va pouvoir arriver au bout de 6 mois, justement, et se dire, ben finalement, j'ai plus de difficulté à effectuer ce fameux mouvement-là. Tu vas virer totalement accro, apparemment. Ah. Apparemment qu'on appelle ça du sadomasochisme aussi pour certains. Sans blague, il y a rien de plus addictif, apparemment, que le sentiment de dépassement de soi. C'est quelque chose que pas mal chaque être humain recherche dans sa quête du bonheur éternel. Et il n'y a aucune journée qui est pareille lorsque tu fais du CrossFit. Et ça, bien évidemment, c'est des gens qui font du CrossFit qui le disent. Donc, tu peux y aller, par exemple, à chaque jour et tes entraînements vont toujours être aussi excitants, mais aussi être variés. Parce que, comme on le dit, c'est de l'entraînement qui est croisé. Donc, tu peux très bien arriver une journée, travailler certaines places de ton corps, arriver le lendemain et complètement travailler une autre partie de ton corps que tu n'aurais tout simplement pas pensé à travailler. tu vas réaliser aussi à quel point les maths, c'est pas ton fort. Parce que, par exemple, une barre qui va peser 45 livres, tu dois en faire 15. Par la suite, tu changes de barre, tu vas faire deux fois 10 livres de chaque barre. Après ça, tu vas faire ajouter un 5 livres. Donc, ça donne quoi tout ça au total? Aucune idée. Tu vas faire des maths. Tu sais, en partant... Amenez votre téléphone. C'est ça. En faisant du CrossFit, on va automatiquement venir chercher votre cerveau à un certain moment pour faire des calculs mentaux en mathématiques. Et peut-être que ça peut tout simplement vous bénéficier à étudier certaines choses. Ah, je sais pas. Vous allez aussi développer une force mentale qui va être assez incroyable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous allez arriver à un certain moment où vous allez vouloir abandonner en plein milieu de votre entraînement. Et c'est juste interdit dans le monde du CrossFit que de dire que vous abandonnez. Wow, c'est comme quitter une religion. Exactement. Donc, peu importe si vous êtes vraiment tanné ou si vous êtes en train de pleurer par terre ou vous êtes semi-mort, bien, la plupart des gens qui font du CrossFit, c'est tellement une communauté qui va être serrée que justement les gens autour de vous vont vous faire réaliser que c'est pas le temps d'abandonner. Il vous en reste pas très très long, alors continuez comme ça. Vous allez pas instantanément devenir musclé et carré et avoir une shape de feu. Il faut vous mettre à l'évidence, là. C'est pas parce que ça fait 3 jours que vous faites du CrossFit que vous allez devenir Arnold Schwarzenegger. Et ce sont des gens qui pensent que tous ceux qui font du CrossFit aussi ont l'air d'une armoire à glace. Bien, c'est pas vrai. Évidemment, si vous vous entraînez à tous les jours, vous allez arriver avec une shape qui va être beaucoup plus musclée que lorsque vous avez commencé. Mais ça, c'est aussi vrai, peu importe le sport que vous allez pratiquer. Donc, le CrossFit, c'est pas automatiquement un sport d'armoire à glace. Il y a beaucoup de filles qui font du CrossFit qui sont pas nécessairement shapées comme des gars. Ça va dépendre de l'intensité à laquelle vous y allez. Ça va dépendre aussi de la récurrence à laquelle vous y allez, le nombre de fois par semaine, le genre d'exercice aussi que vous allez y pratiquer. Tout ça, c'est à prendre en considération. Vous allez être probablement aussi en désaccord justement avec le fameux terme « shape de gars » si vous êtes une fille. C'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de filles qui font du CrossFit ou d'autres personnes disent qu'ils ont des shapes de gars. Donc, premièrement, il n'y a pas de sexe derrière une shape, il y a du travail d'entraînement. Et aussi, bien, il faut juste que les personnes qui ne s'entraînent pas arrêtent de chialer contre la forme de ceux qui s'entraînent. Parce qu'automatiquement, si on fait tout le temps ça, bien, ça vient un petit peu jouer dans la tête de ceux qui s'entraînent, veut pas. Et c'est comme si ceux qui ne s'entraînaient pas gagnaient sur ceux qui s'entraînaient. Quand, en temps normal, ceux qui s'entraînent ont quand même une meilleure santé jusqu'à ce point-là pour pouvoir parler, par exemple, de shape de gars ou d'armoire à glace. Ouais. La seule personne contre qui vous allez être, c'est vous-même. Lorsque vous allez pratiquer le CrossFit, il faut le savoir. Il y a bien évidemment des statistiques. Vous allez vous amuser à vous comparer avec vos amis, par exemple, dans le gym. Vous allez avoir un coach aussi qui va vous comparer, bien évidemment, aux autres. Mais à moins de faire de la compétition, c'est pas nécessaire de toujours vouloir battre la personne qui va être aux côtés de vous dans votre entraînement de CrossFit. C'est vraiment d'être contre vous-même et c'est difficile mentalement. Et c'est un petit peu ce qu'on veut arriver à faire avec du CrossFit, c'est qu'on veut arriver à jouer avec nos propres limites à ce point-là, savoir jusqu'où on peut se dépasser en termes d'entraînement. Et on peut pas blâmer personne d'autre que nous si jamais on n'arrive pas à faire, par exemple, un entraînement comme il se doit ou un entraînement après un certain temps qu'on se disait « Bon, ben là, en temps normal, j'aurais dû réussir ce type d'entraînement-là jusqu'à telle date, j'aurais dû savoir comment le faire. Là, je ne sais pas encore, mais je travaillais encore plus fort. » Donc, ce côté mental-là est très, très développé au niveau du CrossFit. Et vous allez probablement aussi vous ramasser avec des bleus, des égratignures, des plaies superflues un petit peu partout sur votre corps. Parce que oui, une corde à danser, ben ça fouette. Ça peut couper aussi. Et comme ce sont des genres d'instruments qu'on va utiliser au CrossFit, eh bien, c'est souvent ce qui va arriver. Mais... qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc, puis c'est qui? C'est ma grand-mère qui disait il faut souffrir pour être belle ou il faut souffrir pour être beau. Mm-hmm. Donc, ça vient un petit peu avec. Si on décide de faire du CrossFit, c'est sûr qu'il y a de l'entraînement croisé. Et si on y va aussi à haute intensité, bien, il y a de fortes chances qu'à un certain moment, tu t'accroches une haltère sur un genou puis tu vas être bleu le lendemain ou tu vas tomber en bas du cheval sautoir. Je sais pas. Un cheval sautoir au CrossFit, pas vrai? Hein? Bien, parfois, oui, ça dépend. Il faut boule. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on s'entraîne, mais ça peut très bien arriver. Mais surtout, dites-vous pas que vous avez des bleus, ça veut dire que vous êtes pas bon. Mmh. Ça veut tout simplement dire que le travail commence à rentrer, au contraire. Ouais. Et les gens de votre entourage vont, par exemple, si vous vous lancez dans l'idée de faire du CrossFit, ils vont probablement vous sortir 10 000 théories trouvées un petit peu partout pour dire que le CrossFit, c'est pas bon pour le corps. Parce que mal pratiqué, c'est vrai, mais si c'est bien pratiqué avec un entraîneur, avec une équipe structurée autour de vous, mais c'est pas mal comme n'importe quel sport, ça va être bénéfique pour vous. Et comme je le disais, n'importe qui peut se lancer dans cette idée-là d'aller faire du CrossFit. Mais sachez à quoi vous attendre avant d'y aller. Ben exactement, sachez à quoi vous attendre avant d'y aller, parce que si vous arrivez là-bas et vous pensez que ça va être comme un entraînement de yoga, ben vous allez pas, vous allez pas nier de quoi. Vous allez probablement sortir puis vous voudrez plus y retourner. Mm-hmm. T'sais, il faut savoir que déjà en partant le CrossFit, eh bien oui, ça va faire mal parce que justement, ça va travailler des muscles que vous pensiez ne pas travailler un jour dans votre vie. Ça va les travailler de façon répétitive aussi, donc ce fameux petit mal-là, entre guillemets, là, ou dans les premiers jours que vous allez justement travailler ces muscles-là, et vous allez commencer à l'aimer à un certain moment parce que vous allez voir les changements bénéfiques à votre santé aussi. Les gens qui font du CrossFit, la plupart du temps, ils ont une bonne alimentation, ils vont s'aider entre eux, ils vont avoir une communauté justement qui vont bien manger, qui vont avoir du plaisir ensemble, donc c'est vraiment de prendre en considération que si vous vous lancez dans le CrossFit, c'est comme n'importe quel sport. C'est comme si vous pratiquez, par exemple, le hockey, vous pratiquez le soccer ou peu importe. C'est de vous faire cette famille-là et de bien connaître le sport dans lequel vous vous en allez et de pas nécessairement vous fier à ce que toutes les gens disent par rapport au CrossFit, parce que c'est vrai que ce sont pas juste des armoires à glace qui sont dans les gyms de CrossFit au Québec ou même aux États-Unis. Et faites attention surtout aux vidéos de CrossFit sur YouTube, parce que comme je le disais, si ça fait 10 ans que le gars que vous écoutez tout le temps sur YouTube fait du CrossFit, ben allez pas faire votre premier cours de CrossFit en vous disant que vous allez réussir à faire genre 25 dumbbells avec, je sais pas moi, 150 livres d'haltères au bout de deux bras, en vous disant que ça fait exactement 2 minutes que vous êtes rentré dans le gym, tu sais. Le bas de l'échelle pour commencer, hein? Exactement, commencer par la base. C'est bien un jour vous allez pouvoir vous dire, hey, je me suis rendu au même point que la personne que je regardais tout le temps, mais ça fait pas mal plus longtemps que vous qui êtes dans ce gym-là. Et peut-être même que cette personne-là coach le CrossFit, donc vous devez faire la part des choses en entraînement croisé, parce que la plupart du temps, c'est là aussi que les blessures vont arriver si les gens vont vouloir aller trop vite. Donc, faites attention. Et si jamais ça vous intéresse, bien ici, à Trois-Rivières, il y a deux endroits où vous pouvez faire du CrossFit. Il y a CrossFit Trois-Rivières qui est sur la rue Girard, ou encore, ça s'appelle l'usine CrossFit U3R. Et ça, c'est sur la rue Charbonneau. Les deux sont ouverts quand même à des heures qui sont tardives, je vous dirais. Donc, si vos horaires, par exemple, de cours vous demandent d'aller vous entraîner après, par exemple, je sais pas moi, 20 heures, bien les deux endroits vont quand même assez fermer tard pour que vous puissiez aller faire votre entraînement. Il n'y a pas le choix, ben. Non, mais c'est ça va un petit peu avec les gens et le tout mode le matin de vie. Et ouais, c'est ça, ouais. Le mode de vie que les gens ont qui font du CrossFit. Voilà. Voilà, cool. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is going to Tania tous les matins de semaine à Assemblage requis. La seule chose, je crois, qu'on ne fait pas dans du CrossFit, tu me corrigerais si j'ai tort, c'est des culbutes. Ça dépend. Pour vrai. Mais ouais, ok, vas-y, on y va, on fait pas de culbute. Voici Backflip de Canaille. Sans danger. Je pense qu'il y a rien de mon labo, mais en même temps, jamais de travail pour une soirée seulement, même si ça marche pas vraiment, va changer d'air. Pourquoi quand c'est trop propre, j'ai le goût que ce soit sale? Pourquoi quand ça va bien, j'ai le goût le scandale? Quand je suis sur un bon chemin, j'ai le goût les carnavals. C'est bon. Canaille avec la pièce Backflip à Assemblage Requis. Au retour de la pause, Alex Marchand vient nous parler de la GEQTR. Ouh, c'est là. Alors, ce jeudi matin, 20 avril 2017. T'as la mémoire courte, hein? Ouais, non, excuse, Mathieu, j'étais complètement captivée par une vidéo d'un petit gars de 7 ans okay. qui a décidé de partir sa compagnie de recyclage à l'âge de 3 ans. Wow. Puis jusqu'à présent, dans son compte en banque pour ses études, il a déjà 25 000 $ juste en allant récupérer, mettons, des bouteilles dans des poubelles qui sont pas censées être là. Ouais. Puis le petit gars, genre, il est devenu comme une vedette de son village. C'est cool, c'est vraiment, vraiment cool. Ah, je voyais une publicité l'autre fois à la télé, c'est un couple qui s'en va, genre, voir pour, je sais pas, leur retraite. Mm-hmm. Puis là, ils disent, ah, tu sais, on a juste 100 000 $ c'est de mis de côté pour notre retraite. US! US! Juste 100 000 $ fait. Ah, vous devez parler à pas mal de monde qui ont pas mal plus que 100 000 $ US. Ouais, tu sais. Mais je te dirais que j'ai commencé un cours de finances personnelles qui est ouvert à tous ici à l'UQTR. J'ai vite compris que j'allais pas prendre ma retraite assez rapidement et que j'allais probablement travailler jusqu'à l'âge de 95 ans. Ouais, 100 000 $ ouais. US, on n'aura pas. C'est ça. C'est bien le fun. Et tant mieux pour vous autres, on n'est pas jaloux. Ben on non. vous encourage là-dedans. En même temps, on fait un travail qui est pas. Tu sais, qu'on peut faire quand même assez longtemps. Oui, là, oui, oui, si absolument. On devait. Ben, sauf quand on se casse le bras, apparemment. Ouais. C'est de la radio. Tout le monde me disait, pourquoi tu fais pas de radio? Tu peux faire de la radio, même si t'as le bras cassé. Ouais, mais j'ai pas le droit. Non, c'est ça. Ouais. Tu sais, Betty White est arrivée, là, à 95 ans. Elle fait toujours son métier, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas. Ah, qu'elle va être regrettée, mais qu'elle part. Hein. Oh, mon Dieu, que je vais être triste. Parle-moi pas de ça. Betty White. Bref, maintenant, dans quelques instants, ça va être la chronique de la GEQTR, mais on a le temps pour entendre une petite chanson. On écoute King Gizzard and Lizard Wizard. Voici Noxia. Assemble le truc. Rain. Anoxia, King Gizzards and the Lizard Wizard sur les ondes de Sifu. C'était bon. Absolument. On a dit qu'on parlait d'AGA. Peut-être qu'on va le faire plus tard, mais pour l'instant, on va s'acheter des gadgets sur Internet. Oui. Pour certains, c'est le jour de paye. Oh, donc, mon voici... Dieu, t'as bien raison. Pas pour nous autres. Voici ça ici, mais ça ne devrait pas là. Que ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. T'as déjà entendu parler, j'imagine, peut-être as-tu même fréquenté l'école des adultes, tu sais, l'école de soir, des fois. J'ai fait un AEC, là, donc ouais, on peut dire ça comme ouais, ça. Ouais, moi aussi, c'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, on parle d'une école pour devenir adulte. OK. C'est The Adulting School, l'école qui t'enseigne comment être un adulte. Toi qui prends des cours de finances personnelles, ouais, ça pourrait sûr. Être bon pour toi. On te montre à faire tes impôts, à faire une liste d'épicerie, puis ils offrent des ateliers, des sommets, des webinaires, des séminaires web et des blogs pour apprendre à peut-être changer un pneu, plier un drap contour, des trucs comme les ça. Les draps contours. Les fameux draps contours. On s'en parle, tu vois. Tu fais une boule puis tu sacs ça dans le fond du garde-robe. Exactement. Alors, allez voir theadultingschool.com. Moi aussi, la technique de la boule. Hey, c'est merveilleux, cette technique. Ensuite, tu sais, des fois, t'aurais envie de donner un choc à quelqu'un parce qu'il te tape ses nerfs ou, tu sais, si tu fais violenté dans un spectacle, quelque chose comme ça. Violenté point. Tu peux lui donner un choc. Donc, il te faut l'Electric Stun Gun Ring. Ah, c'est merveilleux. C'est une bague stun gun comme un taser. C'est un peu épeurant, par exemple. Ouais, mais sûrement un peu moins intense qu'un vrai taser. Hein. Probablement. Mais c'est un gadget que tu gardes dans ta main, un peu comme des. C'est quoi les knuckle rings, les trucs que. Le poing américain. Ça ressemble un petit peu à ça, mais juste pour un seul doigt. La machine est dans ta paume de main avec les doigts fermés par-dessus. La bague passe dans ton majeur. Et quand tu appuies sur le bouton avec ta paume, ça va envoyer un choc électrique. Wow. Pour te protéger dans la rue, peut-être, hein, à la place d'avoir à transporter un gun. Oui, c'est ça. Un stun gun, ça fait la job. Discret. Et ça coûte seulement 34 $. Quelle est-ce? Ensuite, tu sais, les TV dinners. Oui. Tu t'achètes un repas Hungry Man. C'est super sexiste. En passant, Hungry Man, il pourrait changer ça pour Hungry Person. Je suis d'accord. Un jour, mais bon. Donc, c'est un bol que tu mets dans le micro-ondes ou au fourneau, peu importe. Et t'as des compartiments. Oui, dedans, oui, oui. Des patates, un brownie, peu importe. Il faut que t'enlèves le brownie, que tu le mets dans un bol, que ça chauffe, que tu remettes le brownie pour la dernière minute. C'est quand même compliqué. C'est un peu de moins, c'est ça. Ouais. Mais si tu pouvais l'avoir en métal pour pouvoir te faire tes propres petits compartiments, parce que t'aimes ça avoir tes petits poids à gauche. Ton steak à droite. Tu veux pas mélanger tes affaires dans ton assiette? Ben, moi, je suis de genre-là. Hein. Je déteste mélanger mes trucs dans mon assiette. On est vraiment trop similaires avec nos tocs. C'est vrai. Ouais. Bref, c'est un TV dinner style, mais en métal, avec trois compartiments petits, ensuite un compartiment moyen et un compartiment pas mal plus gros pour le repas principal. Hein? Donc, vous allez pouvoir assembler votre repas vous-même. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Il y en a qui l'utilisent pour des trucs pour faire du bricolage, des trucs comme des outils, là, des vis, des clous pour faire de la construction comme ça. Donc, tu pourrais utiliser ça pour à peu près la raison que tu veux. Et c'est sur Amazon. Ça coûte 10 $ US. Ensuite, quand tu te tranches, quand tu veux te faire une pizza, en fait, t'aimerais ça pouvoir faire plus que juste un moitié-moitié. Ouais, ben des fois, t'as le reste d'un bord puis du fromage de l'autre. C'est vrai. Mais ça, party, puis il y en a un qui veut, bon, moi, je veux de ananas, et tu sais, là, c'est dégueulasse, la pizza hawaïenne, non? Du jambon puis de l'ananas. Well. T'as quelqu'un qui est végétarien. Oui. T'as l'autre qui est fan de viande, tu veux mettre extra bacon. Et ben, Colin, t'as un pizza slice toppings divider. Donc, tu fais ta pâte à pizza. Et le gadget est un rond, un sac de plastique avec des pointes définies. Il y en a 8 pointes. Okay. Et quand tu pèses dessus, ça va venir couper tes pointes en bonne grandeur. Et tu vas pouvoir mettre tes garnitures dessus et envoyer ça au four. C'est en silicone. C'est génial, ça. C'est comme des moules à muffins, le silicone food grade qu'on appelle. Donc, qui va pas donner de saveur additionnelle à votre nourriture. Et ça garde chaque pointe isolée pour pouvoir mettre les ingrédients que vous voulez sur chacune. Ça coûte quand même 55 $ canadien. Mais bon, ça peut valoir la peine pour les gens qui font des parties de pizza. Ben oui. C'est tellement populaire, la pizza. Invitez-nous donc à vos parties de pizza. S'il vous plaît. Bon. Ensuite, cette prochaine folie, je dirais, c'est une horloge qui utilise des poils, des cheveux pour vous dire l'heure. Hein? C'est la Lash Clock. C'est supposé ressembler à des cils. C'est créé par l'artiste Bina Beitel, qui utilise donc vraiment un cercle de poils pour vous dire les heures et les minutes. Donc, quand tu vois la photo, là, les poils sont comme tassés un petit peu sur le côté pour se séparer et pour dire l'heure. Ils sont aussi séparés à une autre place pour te dire les minutes. Donc, les poils sont placés tout droit. Et je sais pas de quelle technique, comment ça fait pour tasser les poils, pour les écartiller. Mais comme dans ce cas-ci, il serait... écrit que j'ai de la misère avec ça. 4h55 à peu près, ouais. Environ. Faut aller voir la photo pour comprendre, là. Mais, ça mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça change l'heure? C'est ce que je me demande aussi, mais d'après moi, c'est un courant d'air. J'avais comme théorie un courant d'air. C'est tellement étrange. Ouais, un système d'aspiration probablement qui fait le tour de l'horloge à deux endroits différents. Je sais pas ce qui se passe quand t'es rendu à des heures où les deux aiguilles seraient comme chevauchées. Peut-être qu'il va juste faire un plus gros espace. Je sais pas. Bref, allez voir, il y a des photos pour vous montrer de quoi on l'air chacun, mais il n'y en a pas une seule où les cheveux sont chevauchés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ensuite, la mode des années 90 est de retour en force. Hein. Alors, on dirait que les années 2000 et 2010, on a fait le tour du passé très rapidement. C'est la mode des années 70-90. On est revenu, ouais. Là, c'est la mode des lunettes, des grosses lunettes de pare-brise, Dieu, là, mais pas belles comme les hipsters. Là. On parle de celles qui ont l'air d'être une grand-mère. Là. Oui! C'est rendu ça la mode. Puis, ceux, tu sais, dans le temps, ils étaient comme vitrés jaunes. Oui, comme les. Ouais. Les pédophiles, on va se le dire. Difficulté. Oui, bien, surtout parce que dans les films, dans ce temps-là. Ils sont tout le temps. C'était tout le temps les pédophiles qui étaient attitrés à ces lunettes. Pourquoi tu ramènes ça? Je sais pas. C'est pas un beau souvenir du passé. Pourquoi? Non. Ok, je comprends, ramener le Tamagotchi, ça va, là. Oui. Ramener la Nintendo Entertainment System, oui. Ça va, mais pas ça. Non. Pas les salopettes non plus. Oh, t'sais? Mon Dieu. Bref. Ça pour dire, si vous avez ces goûts-là, on vous respecte quand même, mais juste un petit peu moins que le reste. Le corps du roi est en train de revenir. Non, non. Je te dis. Non. Ça s'en vient. Les petits les chandails de laine aussi, de genre full des motifs de design ouais. De Noël. Exact. Ah, t'as bien compris. La vie, hein, la vie. Bref. Tout ça pour dire que la mode des années 90 est de retour. Donc, nous revoici avec des pugs et des slammers. Comme dans le temps, les slammers de plastique pour envoyer ça sur tes pugs de carton, là, comme on jouait dans les années 90, tu te souviens de ça? Donc, ils sont de retour et vous pouvez vous en procurer en paquet de 100, jamais utilisé auparavant. J'avais jamais compris, honnêtement, comment jouer à ça. Une pile, tu frappes avec du plastique dessus. Puis, c'est tout, hein? Ouais. C'était tellement une perte de temps. Tout à fait, mais l'idée n'était pas de jouer avec, c'était de les collectionner. C'était surtout ça. Hey, j'en avais tellement. Ben oui, moi aussi. Hey boy. Je sais pas c'est passé où depuis, mais bon. Moi non plus, hein. D'après moi, dans le sous-sol chez mes parents. C'est du carton, tu sais, ça. Hey, ça sert jaune, à rien, ça. Ouais. Bref, 100 pugs de carton et 2 slammers pour 22$ canadiens. Ensuite, c'est un cadre numérique. Tu sais, des grands cadres numériques pour mettre des photos qui vont jouer dans un désordre complet. Sauf que cette fois-ci, c'est un grand cadre et ça met des œuvres d'art de vrais artistes dans votre salon. Hein? De façon numérique. C'est cool, hein? Donc, c'est tellement étrange. Oui, les cadres numériques étaient très populaires il y a quelques années. Donc, il y en a qui aiment encore ça de nos jours. Voici le Digital Art Museum de Hamaker Schlemmer. C'est les pelleteux de gadgets un petit peu, des fois, bizarres sur Internet. Donc, c'est un cadre de 32 par 21 pouces en 1080p, pareil comme votre TV. Hein. Ça peut être monté sur votre mur pour montrer des œuvres d'art qui peuvent être changées en glissant votre main ou avec une application connectée sur votre téléphone cellulaire. Il y a 8 GB de mémoire intégrée, c'est capable de mettre environ 2000 images à la fois sur le cadre, dans le cadre. Les images, il faut se créer un compte gratuit sur le site web pour pouvoir télécharger ou sinon même téléverser vos propres photos. Donc, vous pourriez quand même, sur le grand cadre, mettre des photos de votre famille. Avec du Van Gogh, entre autres, t'sais, des artistes, puis vos photos personnelles, vous pourriez mélanger ça. Donc, évidemment, on dit ici que si le manufacturier fait faillite, vous allez être un petit peu mal pris, parce qu'il faut vous créer un compte sur leur site web. Mais bon, j'imagine qu'une fois que les photos sont sur le cadre, ça pourrait rester, c'est juste que vous pourriez peut-être plus les modifier. Donc, le Digital Art Museum coûte 600$ US. 600$, t'as bien compris. Et pour chez hamakerschlemmer.com. En fait, c'est juste hamaker.com. C'est tellement dispendieux. C'est beaucoup trop cher, mais tu sais, le prix d'un vrai cadre d'un Van Gogh ou d'un Matisse, c'est pas important. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, c'est pas ce pays. Est-ce que t'as vu les téléréalités qui sont à la mode encore en ce moment? Et là, il y en a une québécoise après probablement 10 ans aux États-Unis de retard. On a une émission sur les survivalistes, je crois que c'est Canal D. Les gens qui se préparent pour la fin du monde. Oui. Il y a plus juste aux États-Unis qu'on fait des émissions complètement idiotes. Non, c'est ça. Comme des chasseurs de fantômes puis des survivalistes. On est rendu là. Donc, c'est une boîte sur abonnement, comme les boîtes pour je sais pas, avoir des brosses à dents, des brassoirs, puis des bonbons. Là. Il y a tout ça sur Internet, bien à la mode. Donc, ça, c'est une boîte pour la survie de votre race humaine. Vous êtes sur le marché pour ça. Vous avez des trucs de préparation pour la fin du monde. Ça vient à chaque mois. Vous allez recevoir peut-être une machette. Tu sais, les cordes bracelets que tu peux défaire pour faire tes trucs. Ah, mon Dieu, oui. Et un kit de premiers soins pour 30$ par mois canadien. Ça s'appelle Mystery Shift SHTF Gear. Wow. Voilà. Ensuite, un joli petit coussin, un oreiller avec votre face dessus. Hein? Ou la face de quelqu'un d'autre, évidemment. Oh mon Dieu, mais oui. C'est peurant parce que ça a l'air vrai. Oh non, je refuse. Les photos ont l'air de vraies faces. Ben, c'est sûr que la photo est en 2D, tu sais. Ouais. J'imagine qu'en vrai... Ah, mais non, mais c'est juste traumatisant. Tu veux la face de qui de même sur ton lit ou ton divan? Ben, si ton copain travaille dans une autre région... Ah non, mais là, excuse-moi, là. Mais achète-toi un cadre à photo, mets sa photo dedans. Pas un... Ben, ouais. Pas un oreiller comme ça. C'était peurant. C'est pour 20$ américains. C'est pas un oreiller de corps, là. Non, c'est vraiment juste un coussin, là. C'est pas un oreiller, c'est un coussin. Si au moins tu pouvais faire printer sur un oreiller de corps. Ouais. C'est encore plus bizarre, en fait, je te dis ça comme ça, là. Un oreiller de corps avec, genre, tout son corps au complet, là. Ben, s'il vit dans une autre région, t'aurais l'impression de dormir avec. Ah, mais come on! Une poupée gonflable, puis tu mets sa photo dessus. Tant qu'à faire. C'est ça, le truc! Donc, vous envoyez une photo haute résolution, vous attendez 3 semaines environ, vous allez recevoir votre motion, qui est, je sais pas, c'est une combinaison de quoi. Motion, c'est comme un cushion, mais avec mi, j'imagine? Mm-hmm. Mi motion? Mission? Je sais pas, c'est bizarre. Allez voir les photos. Les photos, en fait, la première photo en haut de l'article, c'est un render. C'est pour ça que ça a l'air tellement vrai, mais c'est pas vraiment comme ça que ça sort. Allez voir les photos plus bas dans l'article. C'est pas aussi beau que ça. C'est un petit peu plus étiré, je trouve. C'est bizarre. Ensuite, parlons d'une maison gonflable qu'on peut mettre dans sa poche. Ah boy. Oh wow. Ça s'appelle la Basic House. C'est créé par un designer de Barcelone qui s'appelle Martin Arsoa. Aussi. Est-ce qu'on fait quelque chose à soir? Non, c'est une maison très, très basic qu'on peut... basic, tu dis? Absolument basic. Oui, oui. Non, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Appeler ça une maison est déjà étiré la définition du mot. C'est maison, c'est plus une tente ou une pièce pour faire le party, mais gonflable. Ouais, c'est ça. C'est une pièce. C'est une pièce. Donc, tu gonfles ça. Tu rentres dedans, tu as l'impression d'être dans genre... une patate en robe de chambre, tu sais, là? Oui, c'est vraiment. Des légumes vapeur ou... Exactement. De la viande au barbecue. J'aurais peur qu'il fasse trop soleil, genre, puis de comme cramer à l'intérieur. Tu te demandes si à la place de te mettre de la crème solaire, tu te mets du PAM partout, genre... C'est vrai. De l'huile à cuisson, hein, c'est incroyable. Je suis pas sûr que je serais prêt. Ah, allez voir ça. Tu vas avoir l'air d'un rap libanais. Avec ton petit papier doré. Probablement, ouais. Ensuite, d'un shish taouk. D'un shish taouk. C'est ce que je cherchais comme mot, mais je l'avais pas, fait que j'ai décrit le produit à la place. C'est ce que je fais des fois, t'sais. Quand tu contournes le problème. Ouais, c'est ça. Ensuite, est-ce que t'as une barbe, non? Genre de question, j'espère pas. Est-ce que t'aimes les barbes? Je connais déjà la réponse. Oui, t'aimes les barbes. Je dirais que... Moins qu'avant, plus que demain. Je sais pas. Ça s'appelle Bush Balm Le Oil. Le futur, on nous le dira. C'est ça. C'est pareil. Je pense que la mode des barbes, là, c'est beau se passer, ça a fait son temps, genre. Fait que le fait que j'aimais ça, ça a passé, c'est beau, ça a fait son temps. T'es en train de me dire, rase-toi. C'est ça? Ouais, non, mais ta barbe est pas si pire. Je l'aime courte, moi, très courte. C'est ça. Elle est un petit peu plus longue que je l'aime, là. Les dernières personnes que j'ai connues avec des barbes. Des grosses barbes de hipster, là. Ouais, c'est ça. Hey! Coupé carré, là, avec des petits motifs, là. Pis... À maintenant, là, passe-moi le clipper là-dedans. Tu sais, les barbiers au centre-ville, là. Vous profitez de votre dernière année d'existence. Oui, c'est ça. Tu sais, je te dirais qu'une petite barbe de 3 jours. Ouais. C'est facile à entretenir, hein. C'est facile à entretenir, c'est beau, c'est cute, c'est correct. Pas besoin de barbier. Quand ça fait 43 jours que tu t'es pas rasé, t'as l'air de Tom Hanks. Tom Hanks, oui. Tom Hanks dans Castaway. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, comme rase-toi. Absolument. Lui, il rêvait de trouver un rasoir. Qu'est-ce que tu fais? Ah, une chance que les barbiers du centre-ville n'annoncent pas sur nos ondes, parce que sinon, on serait obligé de dire « Hey, allez les voir ». Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle Bush Balm Oil. Il n'y a aucune obligation à ces fous en passant. On n'a pas signé de contrat. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est de l'huile pour votre barbe, mais en fait, pas votre barbe de face. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Votre barbe de milieu de corps. OK. Ouais. OK. Ouais, ça ressemble à de l'huile pour la barbe, sauf que c'est pour les poils d'en bas, hein, dans votre entre-genre masculin. Ouais, ouais, ouais, ouais. Selon leur site web, ça contient de l'huile de jojoba. OK. Ça a été annoncé à TV, hein. Oui. 4,99 la minute. Ouais, c'est ça. Jojoba. Donc ça représente un petit peu les huiles que ton corps produit naturellement. Il y a aussi de l'huile de d'arbre de thé. Mm-hmm. Hein? Pour calmer les poils qui vont être incarnés des fois. Ça peut arriver, les poils incarnés. Oui, ben donc, oui. Donc, plusieurs odeurs. Wilderness, comme genre bois sauvage. Sweet Escape, Bermuda. Tout ça pour 24$ américains par bouteille. Voilà, votre entrejambe devra sentir très bon. Ensuite, celui... T'as pas de commentaire sur celui-là? Non, non, je ferai aucun commentaire là-dessus. Je suis surpris, là. Je peux pas faire le commentaire sur votre entrejambe sentir ouais. Bon. On va changer de sujet. Il est jeudi, hein? On est jeudi. Oui, jeudredi. Jeudredi, on est fatigué. Si tu vas aux États-Unis, des fois, tu peux avoir, si t'es policier, ouais. En fait, tu pourras avoir la chance de tuer une personne noire. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps aux États-Unis, bon, ça arrive. Oui. Mais des fois, les policiers peuvent avoir peur aussi de se faire tirer, ça peut arriver. Donc, c'est un bouclier, en fait, qui ressemble un petit peu à de l'origami. Oui. Oui, donc c'est un bouclier pliable. Pas comme la maison qu'on mettait dans sa poche tantôt, là, pas jusqu'à ce niveau-là. Mais quand même, c'est pliable, c'est un petit format. Et ensuite, tu le déplies et c'est vraiment par balle. C'est du Kevlar. OK. C'est inspiré par le papier qu'on plie, bien sûr, créé par les professeurs d'ingénierie mécanique Larry Howell et Terry Bateman. Bateman! Et leurs collègues de la Brigham Young University. 14 couches de Kevlar et un centre en aluminium. Ça se déploie en 5 secondes. L'angle de protection est super bon, nous dit-on. Ça peut couvrir jusqu'à 3 personnes de taille normale. Comparé à un bouclier habituel qui pèse 90 livres et qui fait la moitié du poids, environ 55 livres. Et étant donné la façon que ça se plie, ça économise beaucoup d'espace dans la voiture, entre autres. Donc, ça réduit de 4 fois la grandeur et ça protège contre les fusils .44 Magnum, .357 Magnum. Donc, ils ont testé ça avec ces deux modèles-là. C'est joli, en plus. Allez voir le petit gif animé de comment on déplie ça. Là. C'est vraiment là, comme lever son capot de char. Là. Ouais, pareil. C'est fait, c'est facile. Là. Ensuite, tu sais, on invente toujours des nouveaux ustensiles. Des nouvelles ustensiles, est-ce que c'est féminin, des ustensiles? Oui, je sais pas. Une ustensile, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Ustensile, attends, je vais aller vérifier. Ouais, pendant qu'on parle de la unitensile, c'est une fourchette, un couteau et une cuillère ensemble, et ça se plie. C'est un ustensile. Ben voilà. Ben merci. Ben ça fait plaisir. Et donc ça se plie pour faire finalement un peu comme le bouclier, un moins de 10 cents de grandeur. Couteau, la fourchette et la cuillère. Tout ça, all in one. Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu veux couper et avoir ta fourchette en même temps? Ben en fait, je te l'explique, OK? Dans le fond, c'est plié en deux. Ouais. De la grandeur de, je sais pas, on dirait peut-être la longueur de baguette chinoise, la largeur d'un craquelin genre Ritz. Oui. Et plié en deux, épaisseur d'un 10 cents. On se comprend là-dessus? On se comprend. Donc, quand tu le dessnaps, il y a comme des snaps au milieu. Et là, la fourchette est d'un côté, la cuillère est de l'autre côté opposé. Et la fourchette a des lames. Des bosses, des zigzags pour faire le couteau. Donc, c'est en plastique. C'est évidemment, tu vas pas couper un gros salami jumbo. Hein. Mais tu pourrais te couper peut-être du fromage, quelque chose comme ça, et piquer avec ta fourchette ou peut-être plus tartiner avec ta cuillère que manger de la soupe. Là. Je dirais que tu vas pas tenir grand-chose sur cette cuillère-là. Donc, ça s'appelle Unitensil de la compagnie Fold It Flat, une version minimaliste de la Spork et des autres ustensiles comme ça. C'est en plastique, là, ça a vraiment l'air du plastique très, très mince. La cuillère, là, c'est plus pour manger du chili ou des trucs consistants du riz que manger de la soupe. C'est vrai, hein? Dans leur cas ici. Ouais, je suis d'accord. Vraiment plus ça. Ensuite, on reste dans le domaine des ustensiles avec la egg spatula pour faire pour attraper votre œuf et le faire flipper sans péter le jaune. Oh! Parce que des fois, tu sais, c'est pas... Ça arrive. C'est pas une poêle qui est vraiment, vraiment anti-adhésive. Là. Ouais. La plupart des poêles, je dirais que l'œuf va coller un minimum dedans. C'est un peu plus difficile, ouais, c'est ça. C'est pas mal difficile. Donc, si vous avez de la difficulté à le faire, que vous brisez tout le temps, que vous pétez vos jaunes, egg spatula, c'est pour vous. C'est une ustensile à combinaison. Donc, avec une pince pour protéger le jaune. Donc, tu vas passer ta spatule en dessous de l'œuf. Tu vas venir peser, prendre un peu comme un... tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça, les trucs à grilled cheese, là. Tu sais, où tu mettais ta tranche de pain, tu venais comme fermer puis attacher. Oui, c'est un peu oui. Le même principe. Donc, tu vas ouvrir la spatule et la refermer par-dessus l'œuf. Donc, allez voir ça. C'est sur assemblagerequis.com. C'est comme un genre de pince, si on veut. Une pince spatule. C'est difficile à décrire à la radio comme ça. Parfait aussi pour les burgers, le bacon, les crêpes, les œufs pochés et plus encore. Donc, pensez à une pince barbecue. C'est pas tout. Ensuite, c'est des... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Celui-là, c'est comme un genre de coupe, sauf qu'à la place d'avoir la tige qui va venir se poser sur la table, ouais, ça devient une paille. Donc, t'as la coupe. Imagine-toi un dessus de coupe. Ouais. Et la tige est en forme de vague pour aller jusqu'à ta bouche comme une paille. Et ça va. Et de l'autre côté, il y a deux petites pattes pour que tu puisses reposer ça sur la table. Ça ressemble un peu à une pipe à eau. Et voilà. On le dit ensemble, ouais, on se doit un coke ou je sais pas trop quoi. Hey, en plus, on est le 420. Hey, t'es sérieuse? Ben on oui. se doit du pot. Mais non, je suis pas certaine, non, mais... On se parle de petit fou, là. Peut-être que le potage du jour aujourd'hui, ça va être poireau et pot. Wow, le potage. Potage. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle les Wino Sippers. Mm-hmm. 24$ pour un ensemble de deux. C'est fait pour boire du vin rouge sans te tacher les dents. Et ça pourrait être aussi parfait pour faire un netipot pour se passer du liquide dans le nez. Là, pour se, ça pourrait être parfait pour ça. Bref, plein de choses à faire avec ça pour s'empêcher d'avoir du vin sur les dents et sur les lèvres si vous avez du maquillage, entre autres. Le prochain est un petit peu dépravé, je dirais, sexuellement. Si vous voulez manger les parties de l'autre, des fois, au lit. Hein? Oui. Et à la place d'acheter un petit pyjama ou un petit sous-vêtement en dentelle, achetez-vous donc un string en collier de bonbons. Hey boy! Candy G-string. Faut pas que tu sois sensible de... de cet endroit là. C'est fait complètement de petits bonbons multicouleurs. Pas tes chaud non plus! Non, effectivement. Faut pas... Parce qu'une fois rendu humide, ça doit être moins bon, ces bonbons. C'est sûr. Ça doit déteindre un peu. C'est... Ben, d'après moi, oui, hein, j'imagine. Ça fond dans la main, pas dans la bouche, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. Te rappelles-tu quand t'étais jeune puis tu te mettais ça soit justement autour du cou ou autour du poignet parce qu'il y a eu les bracelets? T'enlevais ça à un certain moment puis t'étais comme taché de couleur. C'est vrai. Là, tu fais quoi si tu passes une journée entière avec ça en dessous de tes pantalons? Et l'autre question à se poser aussi, c'est est-ce que c'est fait avec des élastiques et est-ce que tu peux snapper à personne avec le collier bracelet de bonbons? Hey, ça faisait mal, ça, se snapper avec ça. 5$ canadiens pour ce sous-vêtement. Conçu spécialement pour la Saint-Valentin. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, mais en même temps, est-ce qu'il faut vraiment se retenir? Pour passer au travers de ça, là, faut que tu aies faim en mots. Puis tu sais... Comme avec le vrai collier en élastique, il faut que tu manges un à la fois parce que si tu les manges tout en même temps, t'as un morceau d'élastique dans la bouche. Ben c'est ça, c'est vraiment pas plaisant, là. Puis ça goûte l'élastique, ces élastiques-là, là. Tu sais, Ça me fait penser tellement, genre, est-ce que tes grands-parents avaient ça, genre, sur leur siège de voiture ou sur leur divan? Tu sais, là, c'était comme des genres de billes de bois. Ben oui. C'était pour masser, genre, le dos et. En théorie, ça massait le dos. Je sais pas si ça te masse. Si t'assoyais là-dessus, là, ça massait rien. Est-ce que ça te masse l'entrejambe? Ben, j'imagine que si tu bouges sensiblement, tu sais, il doit avoir une. Bille à quelque part. Ah, une bille, c'est... Oh. Ben, une des boules du collier. Puis tu joues après bille. C'est pas cool, Tania, t'es pas correct. Je suis désolée, mais ça m'a comme troublée, là. On dirait que je vais plus jamais voir ça. Ah, on revient à un autre sujet sérieux, là. Attention, on a parlé d'un bouclier policier. Cette fois-ci, c'est vraiment cool. C'est si, mettons, le feu pointe chez vous, là. Oui. T'arrives avec ton extincteur de fumée. Ouais. De feu. Et là, t'es pas protégé par... toutes les espèces de vapeurs, de trucs chimiques qui se passent, qui se propagent pour éteindre le feu. Mm-hmm. Il faut un bouclier et ça s'appelle le Fire Extinguisher Shield. Pas fou. Donc, c'est vraiment pour venir. C'est fait pour se mettre devant ton extincteur de fumée, ça tient après. Et quand tu envoies, quand tu pushes, ça passe au travers. C'est une bonne idée. C'est le fun, je trouve. Donc, en fait, il faut que tu achètes l'extincteur qui vient avec et les deux viennent en ensemble. On dit que c'est Heavy Duty, que c'est fait pour protéger votre peau contre la chaleur intense du feu et contre le produit chimique qui sort de votre extincteur de façon efficace et sécuritaire pour éteindre un feu. Hmm. Ah, on a tous rêvé de se faire une fondue un peu n'importe quel jour de la semaine sans avoir à sortir toute notre kit de fondue. Ça commence à être compliqué des fois. Ouais, vraiment. T'acheter du chocolat, des fruits, bon. C'est vrai. Ici, tu pourrais faire une fondue avec rien de plus qu'une tasse et une petite chandelle, un long pion. C'est si intelligent. Vraiment fort. Donc, la tasse a évidemment un faux fond, si on veut, où le pion est inséré. Évidemment, la tasse arrête un petit peu avant ça pour votre chocolat. Et vous pouvez voir votre flamme. En plus, c'est super romantique. Et le chocolat va prendre son temps à devenir chaud éventuellement. Et vous allez pouvoir avoir une fondue d'ici la fin du lampion. Ouais, c'est ça. T'sais? Mais fais-les chauffer avant un peu. Ouais. Et changer de lampion en cours de route sûrement parce que ça va être long d'après moi. Ouais. Vous allez pouvoir prendre donc votre tasse pour faire de la fondue au fromage, bien sûr, suisse ou encore du chocolat noir, chocolat au lait, peu importe, pour 22$ canadiens. On en fait deux derniers. Pour commencer, c'est un spray qu'on va s'envoyer sur soi-même pour briller en noir. On dirait vraiment, vraiment beaucoup que le gars sur la photo a passé une nuit à l'hôtel puis est rempli de sperme. Mais c'est pas ça. C'est du spray pour la nuit, pour ne pas se faire frapper. Augmentez votre visibilité sur la route la nuit en faisant du vélo avec ce spray invisible. Donc, qui va réagir à la lumière. Hey boy. Et ça s'applique sur plusieurs sortes de tissus. Ça reste invisible pendant la journée, mais vous allez pouvoir vous promener en sécurité le soir. Et ça se lave avec de l'eau sans endommager vos vêtements. Donc, vous allez passer ça à la laveuse. Contrairement au drap de l'hôtel susmentionné, ça va disparaître. Susmentionné. J'ai fait exprès. Je suis encore un petit peu traumatisée par le string en bonbon. Ah, OK, OK. Bon. Je me suis dit, avec le spray de même en plus. Je pensais que tu étais en train de l'arrêter. C'est ta carte de crédit. Mais non, hein, non, hein, non. Oh, non. Non, non. Des suçons, non. Mais pas des... Je mettrai pas de sucre, pas là. Bon. Non, pas merci. De sucre, d'accord, d'accord. Donc, toi, les lubrifiants à saveur... Bon, ouais, prochain sujet! Si vous voulez torturer vos collègues, à part leur faire des blagues sexuelles comme ça en ondes à la radio, vous pourriez aussi acheter un petit gadget qui vient se coller sur les bureaux, qui fait des bruits extraordinairement agressants. Oh mon Dieu, ça, c'est le genre de choses que je préfère pour t'agresser pendant... Pour moi? Ouais. Mais t'es donc même pas fine. Fais ça à David Ferron, comme tout le monde. Non, mais c'est clair que toi, à un moment donné, tu ferais comme... C'est quoi ce bruit-là? Ouais. Ah, ben j'avoue. OK. Un petit secret, là. David, lui, il continuerait sa journée pareil. Il y a un son assez fou. Un genre de boing. Oui, de c'est ping. Vrai. Je ne sais pas de quel ordinateur il vient. Mais ce bruit-là me tape sur les nerfs. Mais tu sais, je suis un gars qui est facilement agressé par les sons. Hein? Bref. C'est de même, c'est dit, hein? Exact. Sachez que ça fonctionnerait vraiment avec moi, ce petit gag-là, pour le prochain 1er avril, hein? Assez petit pour cacher l'intérieur d'un bureau, l'intérieur du tiroir, collé en dessous de quelque chose, peu importe, avec un collant à double côté, et ça va émettre des sons gossants pour 22$ canadiens. Voilà, c'est tout pour cette section de « Ça existe, mais ça ne devrait pas », on l'a. Ce qui a très bien rempli la petite demi-heure, sans la clé de la GQR, malheureusement. Hein? En effet. On se prend une pause, et au retour... On va faire une grosse pointe en dresse! Reste là. Assemblage requis, c'est mercredi, jeudi. Oui, non, jeudi. Il n'y a pas eu de lundi cette semaine. Ah, c'est maintenant les semaines à 4 jours. Jeudi, 20 avril 2017, elle est Tania Beaulin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Il nous reste encore une heure, un petit peu moins à l'émission. On n'a plus Julien Liberté après nous, fait qu'on va peut-être en profiter pour dépasser quelques minutes. Mais avant de passer à une grosse pointe en dresse et avant de passer à David Ferron qui s'en vient en fin d'émission pour nous surprendre un petit peu, voici The Sadies avec Riverview Fog. Non, pas Frog, Riverview non, Fog. Exactement. Ouais. Brouillard. Gone out to the great beyond. Orange

Maintenant, parlons de nouvelles de fast-food avec la recette de pizza la plus populaire sur Pinterest. Okay. Est-ce que tu visites encore Pinterest ou est-ce que c'est fini cette mode-là? Non, ben ça dépend quand. Je te dirais que quand je vais chez la coiffeuse, je vais sur Pinterest ou quand je vais me faire faire les ongles, mm-hmm. bien souvent, je vais aller chercher une couple d'idées sur Pinterest. Ah, pour montrer à la personne qui fait ses ongles. Donc, la recette de pizza la plus populaire sur Pinterest, c'est la pizza à l'aubergine de Julia Child qui vient du site Kaylin's Kitchen. Ça a été piné 323 000 fois et plus depuis un an. Ben voyons donc. Ça inclut une croûte de chou-fleur. Pardon, je m'excuse. Ça, c'est d'autres recettes de pizza, entre autres, sur le site. Là. Je vais passer aux ingrédients de celle à l'aubergine. OK. Donc, ça ressemble vraiment à la recette d'origine de Julia Child, une chef très renommée aux États-Unis. Donc, tu fais rôtir de l'aubergine, tu mets de la sauce, du basilic, du fromage, et tu passes le tout à broil pour faire ta pizza. Allez voir ça sur assemblagerequis.com pour le lien vers la Pins Pinterest. La pin sur Pinterest, le lien pour la pin, pour aller le piner. Oui, mais oui, évidemment. Pinterest, hein? Épingler, si vous voulez. Je comprends. Ensuite, un bar qui fait du cosplay. Tu sais, le cosplay, c'est se déguiser en personnage de jeux vidéo ou de film, super-héros, peu importe. Et bien maintenant, c'est un bar qui se cosplay un petit peu en tableau 1-1 dans Super Mario Brothers, le premier sur la NES. C'est un bar qui ressemble au premier tableau de Mario. Donc, ça se passe dans la capitale du pays, les États-Unis, hein, bien sûr. Donc, c'est Drink Company qui s'est bâti une réputation sur le fait qu'ils ont des mixologistes parfaits à Washington, D.C. Et donc, maintenant, ça vient de se terminer, c'était jusqu'au 15 avril, ils ont déguisé leurs quatre bars pour créer le Cherry Blossom Pop-Up Bar. Ooh. Avec un Cherry Blossom, un arbre, un cerisier à l'avant. Et ensuite, quand tu vas à l'arrière, dans la pièce en arrière du bar, et bien, ça a été converti en célébration du plancher jusqu'au plafond des meilleurs plombiers au monde. Donc, c'est un projet assez cool, mais c'est terminé. C'était jusqu'au 15 avril. Allez voir les photos. Il y a une belle galerie photo des tuyaux, des blocs point d'interrogation et du tableau 1-1 au complet sur assemblagerequis.com. Ensuite, de l'impression 3D en chocolat. L'impression 3D, on en parle le temps. On peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. Que ce soit des prothèses, des avions, des maisons depuis les dernières années. Maintenant, il y a des entrepreneurs, des jeunes créateurs qui proposent les services de leur société qui s'appelle PrintEat. OK. Donc, ça a commencé en 2015 lors d'une discussion entre deux élèves de quatrième année de l'IPSA, qui est une école d'ingénieurs en aéronautique. Les deux étudiants ont créé l'entreprise et ce projet d'impression de chocolat sur mesure a été primé lors d'un concours de start-up à l'Université de Salford à Manchester. L'idée est parvenue jusqu'à Gilles Grasto, qui était chef au Westin à Paris. Mm-hmm. Donc c'est en 2016, leur historique continue. On va sauter quelques affaires. Leur objectif était que l'œuf de Pâques ne ressemble à aucun autre avec leur impression 3D. Donc grâce à la technologie développée par PrintEat, la conception de structures uniques est simple et rapide. L'originalité et le niveau de détail élevé ont permis au Quetzalcoatl de faire une apparition médiatique remarquée. L'œuf est classé parmi les 5 plus belles œuvres en chocolat de l'année par de nombreux magazines spécialisés. Allez voir la petite vidéo de comment ils font leurs œufs de Pâques et d'autres trucs en chocolat, évidemment sur notre site. Des chercheurs ont conçu un système pour goûter une boisson via Internet. OK. C'est peut-être sur YouTube. Peu importe, il y a une publicité pour une boisson. Vous pourriez la goûter immédiatement en démonstration sans sortir de chez vous, ni même vous lever. Hein? Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont réussi la prouesse de concevoir un système pour répliquer le goût d'une limonade. Qui sait, s'ils ne pourraient pas par la suite appliquer leur découverte à d'autres boissons. Ça fonctionne avec un ensemble de capteurs et d'électrodes pour reproduire la couleur et l'acidité dans un verre d'eau. Ouais. Le système ne transforme pas l'eau en limonade, mais certaines sensations olfactives sont censées être reproduites, de quoi conférer à Internet de nouvelles possibilités, bien sûr. Ben oui, clairement. L'équipe de chercheurs travaille actuellement à ajouter d'autres fonctionnalités à leur appareil pour le rendre notamment capable de créer des cocktails virtuels complets avec l'odeur, le goût et l'apparence. Encore une fois, il y a une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Maintenant, les épinards servent à générer du tissu cardiaque humain. Ouais, des études précédentes avaient montré que les tissus humains pouvaient être reproduits grâce à l'impression 3D, mais la réplication des petits vaisseaux sanguins restait très délicate. Cette nouvelle étude montre que les feuilles d'épinards, avec leurs fines nervures qui transportent eau et nutriments, pourraient être modifiées en ôtant les cellules de la plante et en y ajoutant des cellules humaines. Celle-ci serait ensuite mise en développement autour de ses veines pour transporter les cellules sanguines. Autrement dit, les personnes qui ont un tissu cardiaque endommagé pourraient recevoir un tout nouveau tissu généré à partir de plantes pour remplacer leur vaisseau sanguin endommagé. C'est un premier pas vers une nouvelle branche de la science qui enquête sur les ressemblances entre les règnes. Hey, c'est fou ça! Oui, vraiment. Et il y a encore une vidéo de démonstration sur le site. Maintenant, une pizza à la barbe à papa et à la fleur de cerisier. On parlait de cherry blossom tout à l'heure. Wow. Donc, au Japon, rien ne marque le retour du printemps mieux que les fleurs de cerisier. En effet. Lorsque ces fruitiers sont en fleurs, on les voit partout dans le pays. Cette année, les habitants et amateurs de pizza pourront partager entre amis cette pizza avec barbe à papa et fleurs de cerisier et sauce miel gingembre. Une création originale que propose le restaurant allemand Schmatz. Vous êtes bien cool, vous êtes bien schmatt, vous êtes le genre de chum. Oh boy. Okay. Basé à Tokyo, lorsqu'on verse la sauce sur la barbe à papa, celle-ci fond et forme une couche sur la pizza, une couche gluante qui ressemble à du fromage fondu. Et pour que le cerisier soit de la fête, vous pouvez déguster cette pizza unique en contemplant les magnifiques cerisiers en fleurs dans le jardin du restaurant. C'était jusqu'au 2 avril, donc de toute façon, qui avait un voyage de prévu au Japon en fin de session? Pas grand monde. Aux États-Unis, maintenant, Starbucks lance des restaurants qui ne fonctionneront que par la commande téléphonique. Hein? En 2015, Starbucks avait lancé son application mobile pour commander et éviter de faire la file. Cependant, il semblerait que cette appli ait été victime de son succès dans les restaurants très fréquentés. On trouve désormais plus de queues pour les commandes mobiles que pour les clients qui viennent sans avoir commandé au préalable. Donc, Starbucks cherche une solution pour s'adapter à ce nouveau type de commande et répondre à la demande des clients de façon efficace. Ils vont donc ouvrir un restaurant test qui va livrer seulement les commandes des clients effectuées via l'application. Le test se passe à Seattle au sein du siège social de la compagnie et c'est déjà commencé. Ce sont près de 5000 employés qui vont pouvoir tester le nouveau modèle qui n'acceptera que les commandes effectuées via l'application mobile. Le design va être revu du restaurant, offrant une fenêtre sur les employés qui préparent les commandes. Selon les résultats du test, Starbucks pourrait envisager ou non de développer plus cette stratégie dans d'autres restaurants aux États-Unis et ensuite peut-être à travers le monde. C'est pas un café. Je comprends qu'il y a beaucoup de fils et beaucoup de gens dans les files d'attente chez Starbucks, fait que c'est long. Mais en fait, le café, c'est comme je vais pas réfléchir à ce que je veux avant puis commander mon café. C'est non, pas un repas. Non, hein? Ouais. Je sais pas. Mais pour éviter la file, j'aime. Sauver du temps, peut-être. Ouais, c'est ça. Sauver du temps. Quand tu vas travailler et t'es en retard un petit peu, tu veux commander à l'avance. Ensuite, on reste dans le café le plus fort du monde qui s'appelle Black Insomnia. Un café créé en 2016 par Sean Christopher, qui est un Sud-Africain amateur de boissons amères. Son but en créant la marque était clairement de concevoir le café le plus fort au monde. Il a donc sélectionné un type particulier de café. Il a développé un procédé spécial de torréfaction, un procédé évidemment qui est secret. Si les risques d'un excès de caféine pour la santé sont connus, quoique relativement faibles au regard d'autres risques alimentaires, liés à l'excès de sucre rapide ou de gras saturé par exemple, l'Agence européenne de sécurité des aliments a néanmoins fait une étude complète sur les risques et les doses journalières à ne pas dépasser en termes de caféine, car cette substance ne se retrouve pas que dans le café, mais aussi dans toutes les boissons énergisantes, dans les sodas, certains sodas comme le Coca-Cola et autres. L'Agence recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par ingestion, soit 2 heures. Dosage divisé par 2 pour les femmes enceintes et réduite à 3 mg par kilogramme de poids corporel pour les adolescents et les enfants. Les risques sont essentiellement cardiovasculaires et liés au système nerveux central, d'où des crises d'anxiété ou d'insomnie suite à une trop forte ingestion de caféine. Il y a aussi le fœtus qui ingère tout ce que la mère consomme. C'est pour ça qu'on recommande aux femmes enceintes de calmer leur café. Le café le plus fort au monde contient 702 mg de caféine pour l'équivalent d'une tasse de café de 35 ml. Donc c'est à éviter pour les cardiaques, bien sûr. Le Black Insomnia est suffisamment fort pour être considéré par Caffeine Informer, une association de prévention des risques liés à la caféine, comme l'un des produits caféinés les plus dangereux. On note que le Black Insomnia ne possède son record que dans les catégories des cafés qu'on fait à la maison. Si vous allez en Australie, vous allez pouvoir faire l'expérience d'un café qui contient 5 grammes de caféine par tasse, soit 80 fois plus que la normale dans un petit café d'Adélaïde en Australie. Ce café est aussi, pas ce café-là d'Australie, mais le café Black Insomnia est disponible en ligne sur le site Amazon.com et dans 22 pays. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu goûterais au café le plus fort au monde? Un shooter peut-être, mais une tasse? Ouais, c'est ça, pas une tasse. Je pense que tu dormiras plus jamais. Non, c'est ça. Ensuite, un nuage artificiel qui fait pleuvoir de la tequila. Oh boy! Tequila! Les agences créatives ne manquent pas d'idées pour vanter les mérites de tel ou tel produit, hein? Et donc c'est pour ça que le Mexico Tourism Board s'est associé à Lapis pour concevoir un nuage artificiel un petit peu particulier. Donc il utilise un humidificateur à ultrasons pour transformer la tequila en une brume visible, laquelle est ensuite filtrée dans un contenant de plastique où elle se condense et tombe dans des verres qui sont placés juste au-dessus. Pour ajouter une petite touche moderne à la création, la structure est synchronisée avec la météo de Berlin. Donc, le nuage ne pleut que lorsque la capitale allemande reçoit de la pluie. Ça pleut de la tequila. Ouais. Vous pouvez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Ça me rappelle, hier, j'étais en train de faire des pâtes. Tes pattes? Et j'ai mis mon rond beaucoup trop fort, l'eau... Ça a collé, non? Non, l'eau bouillait. Mm-hmm. Et elle allait jusque sur la hotte. My God, OK. Et la hotte, à un moment donné, il y avait des gouttes qui descendaient de ma vapeur. Fait que je trouvais ça dégueulasse. Mais t'avais pas parti ta hotte? J'avais parti ma hotte, c'est le pire. Ah, mon Dieu, OK. Je veux pas goûter à ma hotte. Non, en effet, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que t'aurais envie de manger? Comment est-ce que je pourrais te la poser d'une autre façon? On dirait que j'ai pas le goût de répondre. Est-ce que t'as déjà été intrigué par la viande humaine? Après avoir regardé certains documentaires où certaines personnes avaient dû consommer une partie de leur propre corps pour pas mourir, je me suis déjà posé la question qu'est-ce que ça goûte. Oh. Et en fait, je dois t'avouer qu'à certains moments, j'ai fait des recherches. Ah oui? Parce que bon, je suis curieuse comme ça dans la vie. C'est ça. Puis, on est le même, hein? Apparemment que ça goûte la viande. Le poulet. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est tous curieux de quelque chose du genre. C'est l'anthropophagie en fait qu'on essaie de comprendre. Il y a derrière la notion de cannibalisme une spiritualité, oui, un rituel bien précis pour certains. Sur certains sites fouillés, les scientifiques ont pu trouver plusieurs indices témoignant d'anthropophagie, alors même que dans ces régions, le gibier ne manquait pas. On soupçonne donc une utilisation rituelle du cannibalisme à l'époque. On va regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles du corps humain, pourquoi pas? Mais non. Oui, pour les hommes préhistoriques, le cannibalisme était d'abord une pratique rituelle, comme j'ai dit, le corps humain étant moins nourrissant que celui d'animaux comme l'ours ou le cheval sauvage. Au total, en calories, graisses et protéines, pour un poids corporel moyen de 55 kg, on parle de 126 000 calories pour le corps au grand complet. Le torse et la tête comptent pour 5400 calories, okay. 7500 pour les bras, 1700 pour les avant-bras, 10300 pour la peau, 13350 pour les cuisses, 4500 pour les mollets, 2700 pour le cerveau, la moelle épinière et le tronc nerveux, 1600 pour les poumons, 650 pour le cœur, 380 pour les reins. Pas grand-chose pour ceux-là. Ouais, c'est ça, les reins... Le foie à 2600. Là, on va avec le plus gros. Là. La graisse est à 50 000. Les muscles à 32 400. Et le squelette, la moelle, à 25 300 calories selon l'agence France-Presse. Et tu serais du genre à manger quelle partie, toi? Oh, il y en a qui sont pas écrites. Hein? Non! je sais pas, je dirais peut-être quelque chose comme les bras. Je pense que j'irais genre avec les mollets pis les cuisses. Ça a l'air plus gras. Ben les mollets, pas tant. Ouais, non, peut-être pas. Ça dépend si la personne est en forme. C'est ce qu'on dirait que je serais pas apte à aller chercher des organes. Non? Dedans? Couper avec un canif. Ouais, ça dépend ce que j'ai pour m'aider. Je sais pas, moi je pense que le plus inoffensif c'est le bras, genre, fait que c'est comme pas trop trouble. Ouais, c'est ça, parce que t'as juste à croquer dedans. Ouais. C'est pas. Bizarre un peu, allez voir l'article, il y a beaucoup plus de détails sur l'origine du cannibalisme. Ensuite, un gamin se rend seul chez McDonald's en voiture après avoir appris à conduire sur YouTube. Oh mon Dieu! Une source d'information tellement remplie de connaissances. Avec les voitures automatiques, tout devient plus facile à maîtriser et il n'aura suffi qu'une vidéo à ce petit garçon de 8 ans pour apprendre à conduire, entre guillemets. En revanche, il n'a eu besoin que d'une vidéo pour attendre... Il n'a eu besoin d'aucune vidéo pour attendre que ses parents s'endorment, piquer la voiture et embarquer sa petite sœur de 4 ans au McDonald's. L'officier de police, je cite ici un article de Fox, l'officier de police Jacob Kohler a déclaré que l'enfant a conduit sur plus de 1,5 km de sa maison avec sa petite sœur installée à l'arrière de la voiture. Au moins, la prudence est là. Faut pas mettre les enfants sur le... Ouais, c'est ça, il l'a mis, genre, dans son banc. À 8 ans, son trajet l'aura amené à passer 4 intersections par-dessus les rails de chemin de fer. Il aurait aussi dû prendre plusieurs virages dans les deux directions. Les témoins l'ayant vu passer ont confirmé à la police qu'il semblait conduire à la limite de vitesse autorisée et respecter le code de la route. Il a bien appris sa leçon, quand même. Aucune charge n'a été retenue contre personne et ça n'a pas été considéré comme de la maltraitance de la part des parents. Les enfants étaient bien nourris de façon régulière, mais selon le petit garçon, il avait juste envie d'un cheeseburger. Wow! Ah, que je peux le comprendre là-dessus. On vient au café un peu avec un café aussi translucide que de l'eau. Café transparent, c'est si beau le brun d'un café. Ouais, c'est ça, enlevez-nous pas la couleur qui fait vivre ma vie. On le boit noir en plus, on aime ça foncé, nous autres, le café. Voici donc qu'arrive le Clear Coffee CLR-CFF. Moi, t'appelles ton café CLR. Ça me donne pas le goût de le boire. Maintenant disponible chez Home Hardware, Canadian Tire, Walmart. Café donc translucide. Après le Crystal Pepsi, bien sûr, deux frères ont eu l'idée de mettre au point le Clear Coffee, un café à base de grains de café arabica de haute qualité. Tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il est complètement transparent. Je cite, nous sommes de grands buveurs de café. Comme beaucoup de personnes, nous devons lutter contre les taches sur nos dents. À cause de ça, il n'y avait rien sur le marché qui répond à notre besoin. Alors nous avons décidé de créer notre propre recette. Hein? Pas fou. Pas fou, là. Quand ça n'existe pas, tu le crées toi-même. Ouais, c'est ça. Il semblerait que le Clear Coffee soit obtenu sans aucun produit chimique. Il n'y a pas de bleach là-dedans, pas d'eau de Javel. Au moins. Aucun conservateur stabilisant ni édulcorant. Le journal The Evening Standard a eu l'occasion de goûter à cette étrange boisson. Je cite, le goût est puissant, comme une infusion froide puissante, et les bouteilles sont grandes. Une devrait suffire pour toute la journée. Wow. Le Clear Coffee pourrait aussi trouver parfaitement sa place dans des cocktails. Ça coûte environ 6 livres sterling, les deux bouteilles. C'est quand même cher, apparemment. Ouais, quand même. Bon. Ensuite, le premier hôtel pour les bières de microbrasserie par sociofinancement. Ouh. Est en création en ce moment, oui. Le Craft Beer Hotel, apparemment, ça devient une mode. Le plus récent concept vient d'une microbrasserie de l'Écosse qui s'appelle Brewdog, qui a lancé un projet sur Indiegogo pour ramasser de l'argent pour The Dog House, donc la niche à chien, la cabane à chien, qui est le premier hôtel de bière de microbrasserie sociofinancé. Ça se passe à Columbus, en Ohio. L'hôtel va donner, donc va fournir une expérience complète où on va pouvoir faire immersion dans le monde de la bière de microbrasserie. Entre autres, des pièces avec du fût. Oui. Sur, pour pouvoir se verser une bière punk IPA directement dans ta chambre. OK, pas fou. Un frigo, mini-frigo rempli de bière dans chaque douche. Parce qu'apparemment, c'est bien la mode de boire de la bière dans la douche. Je t'en parlerai plus tard. Hey, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça en vacances. Oui. Pourquoi? Ben, on manquait de temps, en fait. Ah. On avait eu une grosse journée, puis on était on time pour aller au restaurant. Puis mes amis se sont ouverts une bière et ont dit « Bon, ben va dans la douche, on va t'attendre, on va boire notre bière. » Puis tu sais, après ça, nous, on va y aller. Mais j'avais vraiment le goût de boire ma bière. Fait que j'ai amené ma bière avec moi dans la douche. Wow. Mais c'était une canette, tu sais, c'était pas un verre. Non, ben non, quand même, on va pas ambitionner. Mais tu sais, hein. Multitasking. C'était parfait. Le chaud de la douche avec le froid de la bière faisait le plus beau mélange jamais vécu. Chaud froid et le nouveau sucré salé. Exactement. Ça va être la prochaine émission quotidienne d'été à TVA. Oui, c'est ça, chaud et froid. Donc, y a aussi des traitements spa à la bière et un spa rempli de IPA. Tout ça en planification. Le projet va coûter environ 6 millions. On espère que les plans vont être finalisés d'ici le mois de juin. La campagne Indiegogo a dépassé son but déjà et a encore tout plein de temps pour contribuer à leurs efforts, si vous voulez. Ensuite, je vais essayer de trouver tout de suite l'article sur la bière dans la douche. Est-ce que je l'ai? Oui. Tiens, pourquoi vous devriez commencer à boire de la bière dans la douche? C'est un passe-temps que bien des gens conseillent en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de ça avant l'émission d'aujourd'hui. Évidemment, ne pas confondre shower beers, comme des bières dans la douche, à des beer showers, une douche de bière, évidemment. Donc, on nous dit que c'est parfait pour, bon, après peut-être une soirée sportive, quand tu reviens à la maison, que tu sues et que t'es épuisé, t'as besoin d'une douche chaude et d'une bière froide, et tu peux les combiner ensemble pour faire un petit peu d'indulgence et de relaxation. Ça fait très bien. Et aussi, c'est aussi un bon petit remontant mental, nous dit-on. Lorsque vous combinez le breuvage après votre longue journée de travail et la magie de la douche. Wow. Donc, en tant que tel, les explications sont pas vraiment médicales ou, ouais, non, c'est ça. Ou psychologiques, mais bon. On dit aussi qu'il ne faut pas oublier de l'importance de la température de la bière. Une douche trop chaude va faire que ta bière va être tiède. Donc, il faut pas non plus, il faut pas passer trop de temps dans la douche pour pas que ta bière soit tiède. Il faut pas non plus laisser l'eau de la douche se mélanger avec votre boisson, bien non, sûr. Non, non, clairement. Ça, c'est quand même clair. Essayez ça et donnez-nous-en des nouvelles. Une femme a construit ensuite une robe de mariage avec des enveloppes de hamburger Taco Bell. Pas hamburger de Taco Bell, bien sûr. Donc, c'est Taco Bell qui commence à faire des mariages. On a déjà parlé de ça à l'émission. Ils ont lancé leur concours Love and Tacos Contest où un couple pouvait gagner un voyage toutes dépenses payées à Las Vegas et avoir l'honneur d'être le premier couple à être marié dans le restaurant Cantina de Taco Bell. Diane Nguyen était une des 10 finalistes grâce à sa robe de mariage qu'elle a créée avec des enveloppages, des emballages, oui, de Taco Bell. C'est pas affreux? Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. On dirait que c'est comme des mouchoirs. On dirait que c'est comme des fleurs qui s'ouvrent, quelque chose comme ça. Mais c'est clairement des enveloppes, des emballages de tacos. Voilà. On dit qu'ils avaient participé à un précédent concours et ils n'avaient pas tellement eu de succès. Donc là, ils ont gagné. Félicitations à Diane Nguyen. Ensuite, on va arrêter là-dessus, en fait. On va arrêter là-dessus et on se reprend la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Maintenant qu'on est de retour en studio, une autre dégustation et d'autres nouvelles la semaine prochaine, tous les jeudis. Une grosse bonne adresse à Assemblage Requis. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1098. On prend une pause et on revient avec David Ferron et on parle d'Eurovision. Oh que oui! Attendez-nous, hein. On part pas loin. Ben oui, non, restez proche. Vous écoutez Assemblage Requis en ce jeudi 20 avril 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouh, t'as réussi à dire mon nom malgré ta bouchée de Hershey's. Oui. Écoute. Cookies and Cream Mix. La fille est capable de faire deux affaires en même temps. C'est ça. On demandait à David Ferron ce qu'il pense de ce mélange. As-tu goûté? Ben j'ai goûté, puis ça veut-tu bon. D'autre? Merci. Ben lui, c'est sûr qu'il trouve ça bon. Il prend même pas le temps d'y goûter. Il fait juste. Mais il faut bien qu'il croque. Tu l'as-tu croqué? Ouais. Ok. Pas avalé tout rond. Mais la texture est le fun. C'est croustillant. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a comme. Ben je trouve qu'il y a un petit peu trop de croustillant. Ouais, moi aussi, je trouve que le mélange n'est pas super réussi. Mais bon. Donc, c'est les Hershey's Cookies and Cream Mix, si ça vous intéresse. C'est disponible en épicerie. Donc la raison pour laquelle David Ferron est là, c'est qu'il veut encore nous parler de son concours musical international, l'Eurovision. Voici la carte bleachée. David Ferron, salut! Salut! C'est David Ferron qui est le rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui vient de se terminer en fait, mais il reste avec nous pour le reste de la session et même au-delà. David, on va t'avoir dans les pattes pour un petit bout de temps encore! C'est gentil. C'est tant mieux, on aime ça t'avoir. Et quand tu viens pas parler du Zone Campus, ben tu viens nous parler de musique un petit peu. Ben oui, encore mon petit concours chouchou préféré. Ah oui, le concours musical international européen. Oui. Surtout, pas mal juste européen. Ben, il y a des pays comme Israël. Ben quand même, ils s'ouvrent au monde. Ben oui, exactement. Il y a déjà eu le Maroc en 1980, mais ça a juste pas marché. Et on est rendu où dans le processus de l'Eurovision en ce moment? On est rendu que la Russie est exclue officiellement cette année. OK. Exclu par mauvaise participation ou par controverse? Ben, en fait, les deux. Okay. Parce qu'on se rappelle que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la Russie voulait envoyer une artiste en Ukraine. Ouais. Là où se déroule l'Eurovision, mais celle-ci, ça a l'air qu'elle a chanté en Crimée en 2015. OK. Ce qui est illégal par la loi ukrainienne. Donc, si un artiste a chanté en Crimée, sans avoir l'autorisation des autorités ukrainiennes, tu n'as pas le droit d'être en Ukraine. Chanter en général comme genre dans un bar ou peu importe, là, si t'as chanté dans ta vie là-bas, tu peux pas. En Crimée, qui est une région russe, mais qui appartenait à l'Ukraine avant, ouais. Donc qui a été cédée à la Russie par un référendum, mais on sait pas si le référendum... C'était légitime ou pas. Mais il paraît que la Crimée était pro-russe, donc... D'accord. On va voir si c'est vrai ou pas. Ça a l'air compliqué, cette question-là, mais en tout cas, la Crimée appartient désormais à la Russie, donc ça fait pas l'affaire de l'Ukraine. Normal, ouais. Donc, parce qu'il y a eu un conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est encore le cas, il y a encore des tensions, et c'est ça qui est le fun avec l'Eurovision, ça explique toute la carte du monde. Ouais, la géopolitique, si vous voulez connaître ça, tout en étant diverti. T'sais. Oui, exactement. C'est ça qui est le fun. Ouais. Donc, la Russie est éliminée? En fait, j'ai pas encore expliqué pourquoi la Russie est éliminée. Okay. Là, la Russie, en fait, les organisateurs de l'Eurovision leur ont proposé, ben, on vous donne des options, on va essayer de vous aider. Ben, la chanteuse pourrait chanter Par exemple, dans un autre stade en Russie, mais on télédiffuserait ça. Donc, elle serait pas en direct en Ukraine. C'est du niaisage rendu là, tant qu'à faire, laisse la chanter sa scène. Puis, l'Ukraine dit, ben, vous pourriez avoir une autre chanteuse ou un autre chanteur, ça ne dérange pas, okay, tant qu'il n'y a pas passé par l'Ukraine. Ils sont raisonnables quand même, au moins un peu. Oh, ils ont dit, tant qu'ils sont pas dans la blacklist des chanteurs qui ont passé, ouais, dans la Crimée, on accepte. Mais la Russie fait, non, on veut absolument avoir Roulia. Ouais, mais la chanteuse. Il peut pas y avoir juste un bar de raisonnable dans ce genre d'entente-là. Là. Oui, mais la Russie, on se demande si elle l'a fait exprès. Ah, pour faire parler d'eux? Oui, ou pour faire... ou pour donner le côté politique à l'Ukraine en accusant l'Ukraine de faire de la politique. Je comprends. Ouais. Mmh. Donc, peut-être que la Russie aurait fait exprès ou pas, on le sait pas. Mmh. Mais en fait, c'est sûr qu'en mettant une jeune femme en chaise roulante, se sont dit, ben, ils peuvent pas la refuser, ça serait sans cœur. C'est Julia, là, de tantôt, c'est ça? Oui, Julia. Okay, Julia ou Julia, je sais pas trop comment le prononcer. Ou Julia. Si elle est russe. Julia. Julia. Julia. Julia. Ouais, ça s'écrit Julia. Julia. Mais on peut l'appeler Julie. Ouais, Julie. Julie. Julie. Ben oui. Franchement, Julie, comment ça, tu vas? Ben ouais, fait que. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, en Russie, la Russie ne veut plus diffuser l'Eurovision. OK, ils sont vraiment, eux autres, hein, faut pas... Ils sont à cheval, c'est principal. Oh. Et ils ont même annulé parce que t'as comme des pré-concerts qui se passent un peu partout, mettons à Amsterdam, en Israël, à Madrid. Celle de Moscou a été annulée. Les organisateurs russes n'ont rien voulu savoir, fait qu'ils ont annulé leur Je me disais susceptible tantôt, finalement. Non. Don't mess with the Russia. C'est ça, nous faut ne pas froisser la Russie. Donc, ou peut-être plus rancunier. Oui, ouais, c'est carrément rancunier, mais je sais pas si c'est prévu aussi. Mais en tout cas, reste que l'Union européenne de radiodiffusion a dit à la Russie, non, tu veux pas diffuser l'Eurovision, ben t'es exclu officiellement. Ben oui, mais là, c'est sûr. Mais là, j'espère. T'es exclu pour cette année, puis c'est pas la première fois que ça arrive à la Russie. Il paraîtrait que c'est arrivé en 99 aussi. Wow. À la Russie. Oui. Oh boy! La Russie, c'est comme veut gagner, n'a jamais manqué les demi-finales. Ça, c'est le seul pays. C'est comme... La Russie manquerait les demi-finales, c'est comme si toi, Mathieu, t'arriverais avec un Android. Quel exemple parfait, oui. C'est pour parfait. Expliquer que ça se peut pas. Ça se peut pas. Elle va peut-être mal se classer en finale. Mal classée pour eux, c'est une 15e position, mais bon. OK. Donc, finalement, la Russie, c'est hâte. Et ça se peut que l'Ukraine, l'année prochaine, soit aussi... suspendu pour 2018. Okay. Pourquoi? Pour avoir refusé une artiste. Ah, OK, ouais. Donc, ça va bien. Tout à fait. Fait que là, finalement, il va se passer quoi avec l'Eurovision cette année? Ben, il va y avoir encore 42 pays qui vont s'en aller en Ukraine. Fait que ça paraîtra pas ben. Ouais, non. C'est ça. Ils sont un parmi 43, en fond. Ouais, exactement. Comme la Roumanie qui a été exclue l'année dernière parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses dettes. Ouais. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que, comme j'avais expliqué... C'est d'être envers Eurovision ou... Ben, en fait, envers le radiodiffuseur qui diffuse Eurovision, qui diffuse aussi le soccer. Donc, la Roumanie n'a pas pu diffuser les matchs de soccer. Ouf. Oh mon Dieu, c'est bad, ça. Ouais. Oh, oui, parce que la Roumanie était trop endettée. Ah, c'est sûr. Donc, quand t'as trop de dettes envers l'Union des radiodiffuseurs européens, bien, tu peux pas diffuser l'Eurovision et tu peux pas envoyer un représentant. Mmh. On réinventera pas la Roumanie. Mais... Et là, cette année, la Roumanie est arrivée avec le Yodel. Le Yodel, pour vrai? Oui, mais faudrait taper ça. Bon, ouais. Pour vrai, à peu près, je vais te dire, la minute, 1:30 environ, on va entendre Yodeler. Ça s'appelle Yodel It. Est-ce que c'est une chanson que tu m'as donnée, ça? Non, même pas. Attends, Yodel? Yodel comme Y-O-D-E-L, okay. It, comme Yodel. Avec Eurovision après, j'imagine? Oui, exactement. À partir de quelle minute? 1:30. À peu près. 1:30, OK, on va essayer. À peu près, mais toi, mets une event, c'est juste pour être sûr. Si on va essayer ça. C'est mauvais. C'est du Yodel, hein? Non, mais pas encore. Non. OK. Mathieu fait exprès pour étirer la torture. Ouais, merci. Ah, voilà. Ben non! Oui. Et là, je vais regarder le rang des bookmakers, voir comment qui est classe. Aïe, aïe. Eh bien, Isabelle Boulay, ça serait viré de bord, c'est classe. Ah, c'est sûr. Admon Peak et Yodel, j'adore ça. Ouais. J'ai toujours écouté ça dans ma jeunesse. Oui! Girl power! Girl power. Là, elle lui aurait dit, je crois que si tu viens dans mon équipe, je préfère de toi une grande artiste. De Yodel. Vas-tu leur yodeler? Vas-tu leur faire? Ça a été malade quand elle recommence tout là. Drop the beat! Drop the yodel! C'est un solo de yodel. C'est vraiment mauvais comme ça. C'est une toune d'un film de Disney, genre. C'est qui juste passé dans un champ quelque part. Quand je pense, ça va peut-être aller en finale, cette affaire. Aïe, aïe. C'est fantastique, maman. Hey, t'imagines quand il arrive à l'audition? Oui. Ils ont passé un concours national pour ça, là. Oh my God. Oui. Le pays a voté oui. Oui. Après ça, on vient dire que nous, on sait pas ce qu'on écoute. Hein? Ah, puis la Croatie, c'est encore pire. Ouais, c'est un chanteur qui chante avec une voix pop et ensuite en l'opéra. Eh hey boy. Ah oui. Ben ça, ça m'a scié deux jambes. Non, j'ai jamais écouté au complet cette tune-là, pour vrai. On a écouté la moitié, c'est assez. Oui, c'est pour ça. Mais là, en fait, selon les bookmakers, sur 42 pays, ça se classe en 40e position. Non, même pas. Ça va pas dans le top 40. 13e. Ah, non, merde, quand même. Ça a du sens. Ah, le yodel, ça poigne. Oui, hein? Ben, des fois, les trucs comme ça, les gens trouvent ça le fun. Ouais, c'est divertissant, c'est sûr. Oui. Ils sont peut-être pas habitués d'entendre ça. Ils sont comme ouh. Est-ce qu'ils sont reconnus pour leur yodel en Roumanie? Ou... Ben, ça a l'air que non. Non, OK. Non, c'est pas des Pays-Bas qui. Non, la Roumanie, ça, c'est un ancien pays de l'Europe de l'Est. Mais il faut expliquer aussi ce qui arrive, c'est que la Russie s'est retirée. Conséquence, toute la diaspora russe qui aurait voté normalement pour la Russie, voterait pour d'autres pays limitrophes comme la Bulgarie qui est rendue deuxième dans les bookmakers. OK. Donc, ça fait en sorte que ça change la game un peu pour voir quel pays qui aurait pu passer, qui aurait ne pas passé en semi-finale, mais qui passe en finale à cause de ça. Mm-hmm. Bookmaker, pour ceux qui ne suivent pas à la maison, c'est les chances de gagner de l'argent. Ouais, oui, exact. Les parieurs. Ben oui, il y a des gens qui donnent du cash pour des gens qui yodelent. Et voilà. C'est la vie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu nous présentes des artistes russes simplement ou... Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu nous présentes? Ben, je présente les... Ben, si je peux dire ça comme ça, les rejets. Ah! Oh! Parce que c'est préféré des rejets ou juste des rejets? Ben, des coups de cœur rejets, puis il y en a même une, Tania, qu'on se croirait quasiment que c'est dans ton émission. Ah ouais? C'est country. Mais, ouais, exactement. Hey. C'est du country norvégien. Ah? OK. Du country norvégien, parce que... La Norvège a un concours qui s'appelle le Melody Grand Festival. Le Melody Grand Prix, je m'excuse. Le Melody Grand Prix, c'est l'émission qui te permet, entre 8 ou 9 participants, de savoir lequel va participer à l'Eurovision. Mm-hmm. Donc, c'est toutes les sélections nationaux que je vous présente. C'est Rune Rubberg Band avec Run Run Away, la tune country qu'on va entendre en premier. Ensuite, c'est Circle of Light de Emma. Ça, c'est vraiment... La sélection, on pensait que c'est elle qui allait gagner la sélection finnoise, donc de la Finlande, mais finalement, ça a l'air qu'elle chantait faux en finale, donc ça l'a, ça l'a calé un petit peu. Mm. Et l'autre, c'est vraiment l'intro. C'est vraiment l'intro qui est écœurante. On se croirait quasiment une intro d'annonce de produits geek. OK. Tu vas peut-être aimer ça, Mathieu. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas, c'est Kerli et Spirit Animals, et je ne comprends pas pourquoi c'est... C'est la version estonienne des sélections nationaux, qui s'appelle STLOL. Mm-hmm. Et là, c'est les gagnants de cette année. C'est comme on a trouvé les Marie-Ève Janvier et Jean-François Bourreau estonien qui vont chanter. Tu regardes le clip, tu regardes la fête de la fille, tu regardes le gars qui essaie trop de chanter, qui essaie d'être trop dedans et de créer une chimie, mais ça, je sais pas. OK. C'est bon. Juste Keten, puis ça s'appelle Verona comme Verona la ville de l'Antalie. Ah oui. We're lost in Verona. Ça, c'est la grosse phrase de la chanson. OK. Mais on commence avec le Rune Rubberg Band. Oui. Avec Run, Run Away dans les cartes bleachées de David Ferron. À son âge. Up, oh, you opened up and then you closed the door. baby, run. Safe in the circle of the light. C'était Curly avec Spirit Animals, précédé de Circle of Light d'Emma. Et on a commencé ça par une... par, en fait, un bout d'émission de En route avec Tania, avec... j'avoue. J'avais exactement. Tellement pu te laisser présenter la toune, puis dire hey, « Salut, on est sur... » C'est vrai, ça sonnait pareil comme ça. Mais c'est cool. Ouais. Quand j'écoutais ça, j'ai comme fait « Ah, faut que je présente ça à Tania. » Ben, ça fait... Ça divertit un peu, tu sais, ouais. C'est pas juste des tunes pop ou ce qu'il y a d'elle. Faut montrer la variété, oui, exactement, le yodel de tantôt. Il faut leur écouter les yodels, ouais, c'est trop drôle. On va finir l'émission avec ça, j'ai l'impression. Donc, c'est les Rune World Bark Band avec Run Run Away, c'est du country norvégien. Cool! Hey, c'est un bon bloc, ça, un petit bloc de musique très varié, ouais, David Ferron. Vraiment. Félicitations. On t'écoute sur nos ondes assez fou avec aussi beaucoup de musique différente parce que c'est une émission de musique du monde. Oui, exactement. Là, il n'y aura pas de yodel dans mon émission malheureusement. Ce soir, c'est pas prévu. Laisse faire, je l'écoute pas de bord. Change nos plans. Puis toi, c'est quand tu vas faire un spécial Manon Bédard, toi, dans ton émission? Hey. Donc, écoutez, Yodelop Trotter. Yodelop Trotter. Ah oui, il faut que tu l'enregistres. Ah oui, enregistre. Faut qu'on te fasse sur l'intro. Oui, oui, oui, faites-le. C'est ma dernière de la saison hier. On fait ça à deux. Ah, aujourd'hui, on t'écoute. Bon. Ah oui, oui, oui, il faut que. Yodelop Trotter. C'est à 16h sur nos ondes. Il s'agit des mercredis à 19h. C'est merveilleux. Et les dimanches à 15h. Voilà. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'on peut dépasser parce que malheureusement, Génie en liberté a terminé sa vie utile, comme on l'appelle. Il sera peut-être de retour un jour parce qu'il a dit, bye mille fois, donc on peut pas lui dire au revoir. C'est comme notre gag. Non, c'est comme notre Dominique Michel de Oui, c'est fou. Exactement. Au revoir pour mieux revenir. C'est ça. Tu sais, bye-bye, là. Donc, on va terminer l'émission là-dessus et on va se dire à lundi. Merci, bien sûr, à David Ferron pour ta chronique. Ça fait plaisir. Carbiche. Merci à Alex Marchand qui nous a oublié aujourd'hui encore. Il est trop occupé. Ah, je sais bien. Il finit son mandat. Ouais. Sinon, sur nos ondes, lundi matin, qu'est-ce qu'on va avoir à l'émission? On va avoir... C'est ça, la dernière semaine, la semaine prochaine, les chroniqueurs sont un petit peu à déterminer. On dira ça lundi. Hein, c'est comme une belle surprise. On travaille dessus! C'est rapide aussi. On vous le dit pas parce qu'on le sait on pas. On sait pas. Lundi entre 6h30 et 9h30, j'avais commencé ma phrase en disant sur nos ondes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura en ce jeudi matin à 11h. Attendez un petit peu. Patriotes en action, on s'en vient. Oui. Ensuite, dernière, je pense, de la saison pour Patriotes en action aujourd'hui. Absolument, pour bien des émissions d'ailleurs. À midi, c'est la rediffusion du Mathieu Plante Show, donc d'hier, après-midi. À 15h, la rediffusion de la... Non, la sortie de quoi est à votre gauche? C'est... Est-ce que c'est terminé? En rediffusion oui. L'Op Trotter, c'est nouveau, nouvel épisode à 16h. Il y a de l'Op Trotter! 7h, Radio Sonic. Très Blues et Sifo en direct à 19h ce soir. Très longue journée jusqu'à 22h. Grosse émission en plus ce soir. Ah, pour vrai? Est-ce que tu sais ce qui s'en vient? Oh. Beaucoup d'invités, apparemment. Mm. Oh, des cool. entrevues. Oh. Oh. Est-ce qu'il y a plusieurs biographies de Steven Hubert? Faut écouter la pub pour savoir de quoi parle. Je sais pas, je pourrais pas te dire. À lundi, 6h30, là. Bye! Bye tout le monde! Bring it on, I'm a dreamer. On chante ici. En plus, sur scène, ils se prennent tellement au sérieux. Vraiment. Ah ouais, c'est intense. La barre tellement épais. Hey, j'aime ça! Il y a un autre bout de yodel, attention! Okay, attention, ça sent rien. 1, 2, 3. J'avais pas entendu qu'il y avait autant de silence. Elle aime yodel, ça. Bye tout le monde! Ça aurait été hâte qu'elle finisse avec Allons-y! Hey, bon café!